premier jour. Hors avant-première. Ah oui, oui, les cartons. Mais c'est fou, les joueurs. Meilleur démarrage de l'année. Je trouve ça dingue, les cartons l'autre. Ouais, parce que. Bastien, genre, Bastien, Bastien, meuf, Bastien, Bastien. Quoi ? Ferme ta gueule. Je connais cette théorie. Bienvenue dans la contrebande. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Nom de Dieu. Ça dirait de grandir. On est pas bien là ? Ça dirait de grandir. Tu descends des coussins d'huile ? Et vous l'avez sûrement remarqué depuis vos premières écoutes de la contrebande, mais on aime, enfin j'aime le cinéma. Mais là, c'est d'une autre passion dont j'aimerais vous entretenir. J'aime aussi la cuisine. Eh oui, et pas seulement la bière, toute la cuisine, tout ce qui se bouffe. Vous sentez venir un peu le parallèle là, le parallèle douteux ? Oui, on a tous nos petits kinks dans la nourriture. On a ses recettes fétiches, ses ingrédients préférés ou ceux qu'on déteste, mais surtout, ses plaisirs coupables. Et globalement, pour la bouffe, on peut y mettre tout ce qui se fait de junk food dedans, quoi. Bien sale. Alors, rares sont ceux qui n'y ont pas goûté à la junk food, mais c'est toujours pareil, c'est vite mangé et c'est vite éliminé. Mais on finit toujours par s'y vautrer, un peu. Toujours en se trouvant des excuses, en se mettant des petites exigences. Et si, tu vas voir, c'est la meilleure chaîne de burgers des States, il n'y en a que 3 à Paris, c'est pour ça que c'est 15 balles le cheeseburger. Mais attention, voilà la comparaison. Et ben, le cinéma, c'est pareil. Alors, je ne l'ai pas fait moi-même, mais vérifiez chez vous. Hein, remplacez junk food par blockbuster et vous y êtes à peu près. Et comme c'est l'été et que c'est la période pour s'en mettre derrière la cravate dans les salles climatisées, aujourd'hui, on va parler des blockbusters. Je l'avais. Mais bien sûr. Et pour m'accompagner dans cette sixième contrebande, j'ai autour de moi mon Dwayne Johnson Bacon Cheeseburger Bastien. Po. Vous ne m'attendez pas à une telle présentation, je suis ravi. Bonsoir Bastien. Bonsoir Willem. Ça va, t'as chaud comme moi là actuellement ? Je transpire sur le micro, je sais pas si ça va s'entendre, ça va faire poc poc, ça va être très très bizarre, mais je suis ravi d'être là quand même, malgré la chaleur. Je transpire du cheese et du bacon et du gras, sa mère, j'en mets partout. Ouais. Contrairement à Dwayne Johnson, qui n'a plus un pet de gras dans son corps. Oui, mais qui transpire quand même. Qu'est-ce qu'il transpire ? En Voldemort. Il reste un être humain. Et j'ai. Alors, celle-là, j'en suis pas du tout sûr. La double pizza animation supplément Brad Bird, Lucas. Bonsoir. Oh yeah. Salut Willem. Bonsoir Lucas, comment ça va ? Ça va super bien et toi ? On crève de chaud. On crève de chaud, il a mis son petit turban. Dehors il fait 29, l'intérieur il fait 42. C'est ça, il a mis son petit fez. On est bien. C'est ça, en plein désert. C'est Jack Sparrow version contrebande. Est-ce que tu es content de revenir dans cette contrebande en modèle réduit aujourd'hui ? Ouais, on est que 4 et je suis super content d'être là. Eh ben écoute, c'est super. Chez moi en plus. Chez toi en plus, ouais, j'osais pas le dire, je savais pas si on pouvait dire. Chez Lucas. On est chez Lucas et celui qui parle, vous venez de l'entendre. C'est notre roi du barbecue végétarien qui est pourtant une mission végétarien. Impossible. Jean-Victor. Non, je dis pas bonjour, pas végétarien le barbecue. Non, c'était pour faire une blague avec Mission Impossible. Ah ouais, c'est non, pas mais possible de faire un barbecue. Bah oui, c'est pas possible. On respecte le barbecue, messieurs, dames, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonsoir Jean-Victor. Bonsoir. Ça va, t'es content ? Tu te languissais aussi de la contrebande comme nous ? Bah en fait, c'est à partir du moment où tu dis le mot barbecue, je commence à baver. Donc là, je me sens pas très bien. Je visualise de la viande qui cuit, et mais à part ça, ça va. Moi, je bave du front, c'est-à-dire je transpire. Et enfin, Antoine, qui est mis à la sono, mis noix de cajou, qui enregistre avec. Et qui est là, qui nous regarde bizarrement, mais je vais parler. Et oui, bonsoir Antoine, salut, aussi, Antoine, qu'on remercie énormément. Salut Antoine. Et du coup, ce soir. Il va bien, il nous fait des signes, il va bien. Ce soir, on va parler de blockbuster. On va vous parler rapidement de pas de coup nul aux F. Hein, ce soir, il fait trop chaud. Mais les gens s'en moquent en plus. De toute façon, les gens sont aussi en train de mourir sous la chaleur. De toute façon, on a compris que quand on sortait une émission un mois après, l'actualité du cinéma, elle était passée. On va vous parler de blockbuster parce qu'on va pas vous parler de films de l'été. On est en été. On va vous. Là, foutage de gueule de la part de l'ingé son quand même. Hein. On s'en bat les couilles, c'est. Le bruit du four, c'est super. C'est prêt. Bastien revient. Une petite quatre fromages, vous m'en direz des nouvelles, les gars. Il fait beaucoup trop chaud pour manger des pizzas. Et du coup, impossible de parler de l'hégémonie des blockbusters sans faire un petit passage historique. Donc, on va vous parler vite fait de. Enfin, je vais essayer de vous parler vite fait de l'origine du mot blockbuster. Ça va prendre 2 minutes. Et ensuite, on fera un petit passage rapide par l'histoire. On parlera peut-être de l'année 82 dans les blockbusters, qui est charnière. Oui, on va parler de l'année 82 comme une grosse année du blockbuster. On va le voir si ce n'est la dernière grosse année du blockbuster, peut-être. La plus grosse. La plus grosse. Ouais, on laissait encore les auteurs réaliser des gros films avec beaucoup d'argent, ouais. Ils faisaient beaucoup d'entrées. Et puis voilà, peut-être un peu de la place des gros films de l'été en France, la fête du cinéma, tout ça. Mais alors pour commencer, d'où vient le mot blockbuster ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'instant Maître Capello. Littéralement, ça veut dire faire exploser le quartier. C'est violent un petit peu. C'est un peu violent. Mais en même temps, c'est l'économie américaine. C'est violent, l'économie américaine. On a plusieurs origines du mot. Ça viendrait du théâtre aussi, donc genre les premières occurrences. Une pièce qui connaîtrait un gros succès, au point de mener les théâtres du quartier à la faillite. D'où le terme de faire exploser le quartier. Mais ça vient aussi d'un terme militaire, apparemment, qui serait le nom des gros obus américains pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelait les blockbusters. D'où le terme de faire exploser le quartier. Est-ce qu'elle faisait exploser les cinémas ? Est-ce qu'elle faisait peut-être exploser les cinémas ? Oui. Il y a peut-être un lien. Est-ce qu'il y avait des blockbusters qui se faisaient exploser par les blockbusters ? Ouais. On est sur une sub-blockbuster. Bref, le terme blockbuster a été réutilisé au cinéma d'abord pour qualifier les films à gros budget et du coup à gros revenus, normalement. Enfin, c'est la finalité du truc. Mais globalement, voilà, c'est des productions exceptionnelles sur le plan financier, matériel et humain. Voilà pour le parti. Et la partie un peu chiante. Ouais, voilà, et logistique. Et promotionnelle surtout. Marketing, aussi. Ouais. Des fois, de bons films, ça fait des bons making-of au moins. Oui, voilà. Alors, de tour aujourd'hui, j'avais envie de faire. J'ai pas trouvé de blague à faire, mais je voulais le dire. Blockbuster, qui était une chaîne de location de VHS et de DVD, même de jeux vidéo, qui a fait faillite en 2014. Un peu comme toutes les boîtes de location de support physique, oui, on va dire. Mais Blockbuster, c'est un gros truc. Hein. Oui. Notons un petit vendeur de DVD par correspondance qui s'appelle Netflix aussi, qui a fait son petit bonhomme de chemin. Qui a légèrement réussi sa reconversion digitale, on va dire. En tout cas, tout ça pour dire que Blockbuster possède encore 12 boutiques aux États-Unis. Le sachiez-tu ? Oui. Eh oui. Dans des petites boutiques perdues au nord des États-Unis, notamment en Alaska. C'est vrai ? Une petite boutique qui persiste envers et contre tout. Ceux. Contre tous. Ils comprennent pas parce que ça cartonne en plus. Parce qu'en fait, ils ont pas accès à Internet, ils ont rien là-bas. Donc en Alaska, il n'y a pas Internet ? Non, mais si, mais pas dans un petit village paumé en Alaska. Ah oui, il y a encore un blockbuster. Quoi. Les mecs ont un blockbuster qui cartonne de ouf et les gens sont très heureux. Le petit village de résistants, tu sais. Oui, c'est ça, le petit village de Zeritusim et Bolo. C'est local. Ils y boivent encore de la potion magique. C'est ça. Bon, du coup, maintenant, est-ce que vous avez autre chose à dire sur ces histoires d'origine du mot blockbuster ou est-ce que je peux passer à une petite partie jusque-là, ça me semble tout à fait correct. Ça vous semble tout à fait correct. Lucas aussi est tout à fait convaincu par ça. Alors, bon, du coup, on va passer à cette petite partie historique. Alors, on va faire vite hein, parce qu'on va pas reprendre. Le blockbuster est né. En 1955, le blockbuster. Vous êtes prêts? Je peux faire toute ta chronique comme ça. Non, mais on va passer en mode turbo les grandes étapes de l'histoire du cinéma. Histoire de se situer un peu bien, je pense que beaucoup de gens connaissent un peu ces histoires-là. Je vois que Jean-Victor louche un peu. J'ai fait vite. Je regarde ce qu'il a marqué. Ouais. On va partir des années 50, si vous voulez bien. Le bon temps. Les années 50. Les années 50. Les gomeras comme mon pâté. L'industrie rétro-futuriste. Le monde en marche. Grâce au mixeur Moulinex. Jusqu'ici, le cinéma se porte bien. Non, bref, on est passé du muet au parlant. Bon, ça, vous voyez à peu près depuis 25 ans. Dans les années 50, ça fait à peu près, si vous faites le calcul, ça fait 25-30 ans. Mais du coup, les gros studios comme Warner, Paramount, Columbia, la MGM, tout ça, ils commencent à s'inquiéter de la petite boîte à troubadours qui arrive dans les foyers des Américains. La télévision qui commence à se populariser inquiète un peu les gros studios. Vous allez voir que déjà à cette époque-là, on peut faire des parallèles avec l'évolution aujourd'hui de l'économie du cinéma. Et en fait, du coup, voilà, avec cette l'arrivée de la télévision qui se développe dans les foyers américains et dans les foyers français aussi, mais ça, on passe surtout du cinéma hollywoodien, les gros studios, ils vont devoir contrer ça. Et pour contrer ça, ils vont faire appel à des ressources technologiques. Ils vont essayer d'amener au cinéma ce que tu peux pas avoir à la télé. Et ça passe exactement. Donc on ressort le Technicolor, qui date déjà d'il y a 20-30 ans. Le Technicolor, le Cinérama, le Technirama. Le Cinérama. Ouais, c'est comme mon Cinéra, mais avec un Mac. C'est ça, comme le Cinéra de Bastien. Le Warnerscope. Le cinémascope du coup et ou encore celui dont on reparle. Warner, qu'est-ce que c'est le Warnerscope? Je pense que c'est un format qui a été inventé par Warner. Je te cache pas que j'ai pas plus d'infos. Je vois que tu lis pas du tout tes notes. Tu n'as aucune idée. J'ai noté Warnerscope. Écoute, ça me faisait. J'ai eu la même réaction en disant tu Warnerscope. Je suis passé à autre chose. Très bien. Enchaînons alors. Non mais le cinémascope et aussi le 70 mm. Oui, le Panavision, le super Panavision 70. L'ancêtre de l'IMAX. Exactement, et qu'on revoit ressortir aujourd'hui, dont on reparle, qui est un peu sans être à la mode, mais on a des premiers qui tiennent un peu la boutique, quoi. On a certains Quentin et d'autres Christopher, ne jure que par Christophe ça. Nolan. Et à cette époque-là, même fin des années 50 et tout, on a des films en 3D aussi. Moi, j'avais vu une ressortie 3D de Le crime était presque parfait d'Alfred Hitchcock, qui date de 55, un truc comme ça, et qui avait été filmé en 3D. Enfin, qui est visible en Blu-ray 3D. Voilà, masterisé. Et c'est assez marrant de voir Hitchcock tenter des trucs en 3D. Parce qu'à la base, c'est une pièce de théâtre, Le crime était presque parfait. Du coup, il a voulu recréer les effets de profondeur de la scène de théâtre et tout ça. Et ça, Lucas, tu voulais dire un truc. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, effectivement, il y a ces films qui sortent, qui sont vus par beaucoup de personnes. Mais ces films-là ne sont pas encore considérés comme des blockbusters, bien à proprement parler. C'est des gros films populaires que beaucoup de monde vont voir, bien mais sûr. C'est pas le terme. Fin... Évidemment, mais là, terme, tu vas y venir, j'imagine, mais le terme n'existe pas encore. Je vais y venir parce que sinon, mon texte ferait 2 minutes. Et voilà, donc les blockbusters, années 70. Le monde en marche. Grâce à l'aéroglisseur, la Société Nationale des Chemins de Fer Français... Je vais vous name dropper des marques des années 50. Mais oui, effectivement, du coup... Bataville se construit au fur et à mesure. Autour de quartiers de plus en plus urbains, l'Américain est en marche. Le Français, avide de nature, de fraîcheur, s'éloigne vers les périphéries. Le RER, fraîchement construit. Grâce à ses unités d'habitation, le Corbusier développe... Non, mais effectivement, Lucas, c'était surtout pour revenir sur l'idée que ça va avoir un écho sur aujourd'hui, mais ces histoires des gros studios qui te sortent des nouveaux formats au cinéma pour contrer l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché de l'image animée. Blague à part, c'est aussi l'idée de... Ouais, c'est un truc qui est pas nouveau, en tout cas, ces histoires de nouveaux formats, que du coup... J'allais y venir. Non seulement les studios sont en concurrence avec la télé, mais ils sont aussi en concurrence entre eux. Et du coup, on a un développement de la promo aussi des films. Et du coup, on a en gros affiché sur les... Ça, c'est la deuxième pizza. On a aussi affiché en gros le nouveau format qui est sur les affiches, en gros, en capital. C'est gros que le titre. Voilà, plus gros que le nom des acteurs. Super Panavision 70, tu vois. Et bon, on va pas continuer trop longtemps sur le nouvel Hollywood... Je sais pas si on fera un épisode dessus parce que c'est quelque chose de globalement connu, mais on vous recommande peut-être. On a déjà parlé de plein de choses connues, ça vaudrait le coup d'en parler dans un épisode, mais si on se met à parler du nouvel Hollywood, on en parle pendant 20 heures. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est une étape importante aussi dans la construction de ce qu'est le blockbuster moderne. Hein, parce effectivement, c'est important d'en parler parce que la fin des années 70 et le début des années 80 et la naissance du blockbuster et du terme blockbuster, c'est vraiment l'étape qui marque le passage des années 70 du nouvel Hollywood au réganisme puissant, de l'entertainment pur, de. On va vraiment divertir les masses, ce sera l'objectif premier du film. Voilà. On pourra quand même faire des excellents films, mais pour résumer extrêmement rapidement le nouvel Hollywood, on peut dire qu'en parallèle de tout ça, enfin dans la continuité de tout ça, parce que là on est dans les années 50, on va dire 50-60, les studios dont les dirigeants vieillissent, qui sont à la tête de ces studios-là depuis 50 piges, depuis le début du cinéma quasiment, font appel parce qu'ils ne peuvent plus concurrencer, parce que mine de rien la télé va se développer et les entre guillemets les audiences des cinémas vont diminuer. Ils vont faire appel à des jeunes réalisateurs qui ont été biberonnés à la nouvelle vague française, au cinéma européen, qui sortent d'écoles de cinéma et qui du coup vont répondre à la demande des nouveaux spectateurs américains en tout cas et sortir créer des nouveaux codes de cinéma et tout ça. Ça c'est pour résumer extrêmement rapidement le nouvel Hollywood. Moi j'ai noté 3 dates et films qui font un peu pilier du blockbuster moderne. J'ai noté 1972. Le Parrain de Coppola, parce que c'est le premier film où Paramount va faire acheter pré-acheter les films aux exploitants pour sortir le film le même jour, le jour de la sortie, parce qu'avant ça s'étalonnait, ça s'échelonnait sur plusieurs réseaux de salles aux États-Unis, depuis les grandes villes jusque dans les campagnes, il y avait des échelonnements des dates de sortie du film, donc du coup ça a été fait là pour Le Parrain, enfin cette révolution un peu, parce qu'au final c'est ce qu'on fait maintenant, hein. On a du mal à imaginer que c'était autrement avant, mais c'est comme ça que ça se faisait. Ils ont encore des films qui sortent au fur et à mesure. Oui, bien sûr, parce que en termes de système global, voilà, le territoire est aussi plus grand et du coup il y a peut-être des décalages sur certains films. Voilà, ouais. Mais on a du mal à s'imaginer qu'il y avait cette histoire de dans les grandes villes, après ça s'étalonnait, enfin en gros c'est dans les réseaux de salles quoi. Donc c'est avec ce film que du coup la durée du film d'un film au cinéma va réduire, mine de rien, et du coup la perception des recettes pour le producteur va se faire plus rapidement. Et par là même, du coup, si on peut étendre un peu, et bien du coup l'influence de la critique de presse va se faire un peu moindre puisque le film va rester moins longtemps au cinéma, les gens vont vouloir aller le voir tout de suite, et du coup on a ces prémices un peu de la distribution moderne du cinéma. Ça c'est en 72 avec Le Parrain. Ensuite, celui qu'on considère un peu comme le pionnier et que tout le monde pense, ouais. Auquel tout le monde pense et tout le monde fait avec sa tête depuis tout à l'heure, bah ou alors c'est parce qu'ils ont chaud à cause de la pizza, c'est Les Dents de la Mer, ouais. En 1975. Jaws. Steven Spielberg, 75. Troisième film. Considéré comme son deuxième ou troisième film ? Troisième. Ouais. Je suis Garon Express. Ah ouais. Ouais, parce qu'on considère quand même Duel comme son premier film. D'accord. Très bien. Donc, troisième film de Steven Spielberg, qui du coup est dans cette mouvance du nouvel Hollywood, des jeunes réalisateurs à qui on fait appel et qui... En plus, Sugarland Express n'avait pas spécialement bien marché. Hein, donc, mais voilà, on fait appel à lui pour ce Dents de la Mer, ce Jaws, qui sort en juin 75. Il sort dans l'été, début de l'été, ouais. Le film genre il explose direct, enfin voilà. Il me semble qu'il explose direct. Et puis oui, il explose. C'est que le film avait un marketing à l'époque qui était délirant, quoi. Il y avait du merchandising, ce qu'il n'y avait jamais eu avant. En fait, même Spielberg avait eu des idées en faisant des vendeurs de jouets, par exemple, où ce serait marrant que vous vendiez des espèces de petits requins avec de la cerise dedans pour faire croire que vous faites saigner le requin, etc. Parce que c'est ça. C'est un des premiers films sur lequel ils se sont dit on va développer des produits dérivés autour. Quoi. Il y a eu en gros, moi j'ai noté surtout Dents de la Mer, donc bon, on va continuer à parler. C'est ça, parce que le film rapporte 480 millions de dollars, quelque chose comme ça, de l'époque. Aujourd'hui, ouais. ça équivaudrait à 2 milliards de dollars. Moi j'ai noté que c'est le 7e avec inflation, enfin si tu indexes sur l'inflation et tout, c'est encore le 7e film qui a le plus rentable de l'histoire. 2,2 ou 2,3 milliards de dollars aujourd'hui. Exactement, 470 millions. Ah, je suis 480. Effectivement. Mais ouais. C'est pour du coup un budget, on a dit ou pas à peu près Pas lourd. Pas lourd, pas. C'est 7 millions. C'est 7, ouais. 7 millions. On fait même pas un Danny Boone avec 7 millions. Mais du coup, voilà, on en a parlé vite fait. C'est Universal qui a investi des dizaines de millions de dollars dans la promotion du film. Et ça, c'est un peu pour un film qui est petit budget, machin, tout ça. Enfin, c'est un budget moyen. 7 millions de dollars, c'est quoi? C'est moyen à l'époque. Enfin, c'est moyen, petit. C'est moyen, mais c'est déjà pas mal quand même. Ouais, voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais. Et c'est pas coup... là, c'est pas Roger Corman, quoi. Ouais. Mais on commence déjà. On a des dizaines de millions de dollars qui sont investis dans la promotion avec des spots télé, chose qu'on, par exemple, en France, on ne peut pas faire, mais en tout cas, aux États-Unis, voilà, grosse OP. Et comme Jean-Victor l'a dit, gros marketing. Et couplé aussi avec la sortie d'un autre film 2 ans plus tard, Star Wars, en 1977, qui lance le monde merveilleux des produits dérivés et voilà, du marketing ciblé. Ouais. Voilà, ciblé pour les enfants. Merci de, on connaît tous ces avec histoires. Avec le fameux deal. Voilà, le fameux deal avec Mattel. Improbable. Avec Mattel, du cette coup, idée avec de génie de Georges. Voilà, Georges qui a dit, je prends pas de salaire, mais vous me filez tous les retours sur les produits dérivés. Ouais. Et la Fox qui a fait, malin, oh, bah, toi, ça a pas marché. La Fox est foutue de sa tronche. Mais lui, il connaissait les jouets. Après, si tu peux me permettre, si tu veux couper ou pas, on n'est pas les pros de Georges Lucas. Et si jamais, en ce moment, il y a un autre podcast. Ouais, dans Hommage Collatéral, il part de ça. Qui vient de passer, genre, juste une première partie de 3 heures, le podcast de César Bastos, qui a déjà passé juste 3 heures. Avec Alice Yomé, Rafik Djoumi a parlé. Il parle de ça de manière beaucoup plus érudite que nous. Donc, si vous voulez Donc, si vous voulez tout connaître sur le bonhomme, ouais, 3 heures déjà. Un podcast partie, de c'est qualité. C'est ça. La contrebande recommande. Mais le truc hommage sur les... collatéral. Le truc sur les blockbusters, c'est que l'exemple parfait avec Jaws, le film de Spielberg, c'est ce qu'ils ont voulu chercher après très rapidement, c'est que ça confrontait vraiment le spectateur à la mort, au côté primal, au côté. Le sang, la mort, le danger, de façon vraiment frontale et directe. Oui, le gros film, le faire de la promo autour d'un film qui est un film entre guillemets d'horreur, quoi. Enfin, au final, qui est pas autant on emporte le vent, quoi. Non, c'est pas lyrique. Il y en avait eu avant des films comme ça. Psychose, par exemple, avait fait quand même une grosse promo pour son époque avec Hitchcock qui disait, enfin, les gens consistent en disant à partir du moment où le film démarre, en fait, vous pouvez plus rentrer dans la salle parce qu'il faut tout voir, etc. Mais tout ça, en fait, et en termes d'ampleur et de logistique, etc., c'est ridicule vis-à-vis de Jaws qui avait une promo quand même. Je pense qu'il coûtait l'équivalent du film à l'époque, ce qui était au moins ou plus, parce que généralement, maintenant les marketing peuvent coûter plus que les blockbusters. C'est souvent le cas. Et du coup, ouais, c'était le premier film. Enfin, c'est devenu un phénomène instantanément parce qu'il fallait voir Jaws, en fait. Et encore aujourd'hui, et en plus au début de l'été, parce qu'après les gens partent en vacances, mais encore aujourd'hui, quand j'ai travaillé à un moment, j'étais projectionniste, encore aujourd'hui, j'avais des collègues qui disaient, mais qui n'aimaient pas Spielberg, et qui disaient, mais j'en veux à Steven Spielberg d'avoir sorti des films comme Les Dents de la Mer, parce que aujourd'hui, les gens détestent toujours autant les requins, les requins blancs, c'est à cause de ce mec-là, qui avait les psychoses sur les requins, donc les requins, ils tuent 100 personnes par an. En tout cas, voilà, c'est, donc là, on parle quand même de 1975. Et on est sur des stratégies qui ont été instaurées dans ces années-là et qui sont qui étaient balbutiantes en plus. Voilà, et qui oui bien sûr donc c'était ça tâtonnait. Star Wars et l'histoire de Lucas qui a récupéré les droits, en fait les mecs se rendaient pas du tout le potentiel sur lequel je vous conseille d'ailleurs l'épisode de The Toys That Made Us, je crois que c'est le premier épisode d'ailleurs, ou le deuxième épisode sur Star Wars, sur les figurines Star Wars. Du coup c'est une série de documentaires sur les jouets, en fait sur les grandes marques de jouets. Vous êtes sur Barbie, Hello Kitty, tout ça, et sur les jouets Star Wars et les maîtres de l'univers aussi. Et du coup, l'épisode sur Star Wars raconte ça, justement, cette histoire de deal. Comment Kenner, qui était une petite boîte de figurines, voilà, s'est retrouvé avec un deal. Alors, du coup, un deal qui n'était pas spécialement en sa faveur, puisque du coup, en fait, Lucas, il dealait avec des mecs, avec l'épicier du coin, au final, parce que c'était vraiment un petit, c'était pas Mattel ou les gros trucs comme ça. Il dealait avec un mec en disant, ok, vas-y, je vous donne les droits de Star Wars. Un truc pas possible. Mais par contre, vous m'en donnez genre la moitié, quoi. Un truc qui n'arrive jamais, en fait. Et qui, en fait, a été contractuellement scellé pour genre 30 ans, quoi. Et c'est après, quand les droits ont été recédés, parce que Kenner a fait plus ou moins faillite, je crois. Enfin, une histoire comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et oui, parce que du coup, on vendait même. Enfin, encore une fois, je vous recommande l'épisode, mais ils se retrouvaient à vendre des bouts de carton promo de leurs figurines qu'ils allaient sortir, enfin bref, des cartons qui donnaient droit à avoir les figurines plus tard, enfin tout un tas de trucs qu'on retrouve pas forcément aujourd'hui, mais qui du coup ont bien scellé ces histoires de marketing qui étaient une composante que du coup, voilà, moi ce que j'allais dire après, c'est que avant ces films là on pouvait déjà parler de blockbuster pour un film qui cartonnait au box office. Enfin, je vous disais que c'était un truc qui était déjà employé pour le théâtre ou même des fois pour le cinéma, qui cartonnait déjà au box-office, mais souvent avec un gros budget. On peut parler, voilà, dont On emporte le vent, par exemple. Mais c'est après ces véritables films un peu milestones, quoi, un peu comme... après, il y a eu encore des films comme Jurassic Park, par exemple, en termes d'effets spéciaux, qui ont marqué des tournants. Bon dans le temps, là, oui, un bond dans le temps de 20 ans, mais enfin, tu vois, au final, reciter un Spielberg, en tout cas... Jurassic Park, de toute façon, c'est intéressant de le citer, parce que c'est... qui avait l'intelligence d'inclure son marketing dans le film. Ouais, non, aussi, ça, c'est beau. C'est l'équivalent, enfin, c'est Les Dents de la Mer 2, sur ouais, bien sûr. Spielberg, donc c'est un film qui a plein de connexions avec Les Dents de la Mer et qui a été vendu un peu pareil, ouais. Voilà, mais du coup, tout ça pour dire qu'après ces films-là, on inclut dans la notion de blockbuster aussi les histoires, en plus des budgets énormes, les effets spéciaux énormes, la promotion gigantesque, limite au détriment du succès au box-office après. C'est-à-dire que maintenant, on peut qualifier, on va en parler après dans la petite liste qu'on a fait des blockbusters de cette année. Il y a des films qui ont des gros budgets et tout, mais il m'étonnerait qu'ils cartonnent grandement au cinéma. Parce qu'au final, ce qu'on compte maintenant, c'est cette espèce de vagues qui arrivent comme ça, du gros film, de gros en tout point. Mais après, voilà, en termes d'entrée, le but c'est aussi de rentrer dans le budget. Après, si ça explose les budgets, parce que là on parle de films qui, au final, Bad Jaws, on l'a dit, c'est des films qui ont eu un petit budget mais qui ont explosé. Ça, c'est des choses qui arrivent assez rarement maintenant. Enfin, ça arrive à peu près tous les ans. Maintenant, c'est le cinéma d'horreur qui a un peu trouvé la technique. Voilà, ouais, certains Jason Blum, notamment. Ouais, bien sûr. Ouais, et en tout cas, du coup, c'est ce qui fait que je sais pas. Vous démerdez pour trouver la transition, mais dans une interview donnée à Variety en 2013, George Lucas, le fameux, on en a parlé, George Lucas et Steven Spielberg, on en a déjà parlé dans l'épisode la fameuse sur Ready Player One, prédisait le crash des blocs de blockbuster, en fait, qui provoquait la fin d'Hollywood, comme c'est déjà arrivé. Eh ben, ça tarde à arriver, mine de rien. Hein. Comme c'est déjà arrivé à la limite avec. Ça arrive petit à petit, mais... C'est ce qui avait donné le premier, le nouvel Hollywood, en fait. Le premier nouvel Hollywood, c'était déjà une histoire d'effondrement. Il y a eu aussi, après ça, les portes du paradis. Quoi. Ouais, tout simplement. Voilà. Parce que là, on arrive à un point... On part d'un point de vue plus contemporain, là, ça y est. T'as fini ton historique, William? C'est plus cette dernière phrase, là, de cette... On en a déjà parlé, mais c'est histoire de recentrer un peu, mais... Cette histoire, du coup, de George Lucas et Steven Spielberg qui prévoit la chute d'Hollywood, mais c'est aussi une modification du mode de consommation du cinéma, qui est des salles de cinéma plus concentrées, peut-être autour de multiplex, par exemple, plus grandes, avec des tickets plus chers, avec l'idée de pour plus se rapprocher du théâtre ou de choses comme ça, mais avec des nouvelles technologies que vous pouvez pas retrouver chez vous, et pour le reste du cinéma, une consommation plutôt en vidéo à la demande et ces choses-là. Si ça vous rappelle la situation dans laquelle on est actuellement, c'est normal, puisque c'est exactement ce qui est en train de se passer. Après, c'est quand même marrant que ce soit eux deux qui commencent à parler de ça et qui commencent à dire ça. Parce que c'est le passé pour en parler, je pense aussi. Ouais, exactement. C'est à l'origine de la merde dans laquelle on est. Et là, on est retour au présent. Exactement, mais parce qu'effectivement, la deuxième grosse transition après la création du terme blockbuster en 75, c'est vraiment comme vous en parlez il y a 5 minutes de Jurassic Park et de Terminator 2 de James Cameron, où vraiment, on allait au cinéma pour voir des avancées technologiques. Terminator 2, c'est ça, c'est genre un bond technologique complètement dingue en avant. Et Jurassic Park, c'est la même chose. Sur les animatroniques, etc. C'était inclus narrativement dans le récit, l'avancée technologique. Le fait de voir des dinosaures qu'on voyait. Il y avait le double effet qui se coule. L'aspect méta. Que les personnages du parc vont voir, en fait, c'est les spectateurs, les mecs. Parce que toi, tu vas voir les dinosaures, eux, ils vont voir les dinosaures, en fait. Et les blockbusters, Cameron en est devenu un pilier, mais vraiment de vouloir à chaque fois dépasser les frontières techniques, les limites pour offrir toujours plus grand, toujours plus impressionnant, pour aller découvrir des nouvelles techniques, etc. C'est ce qui a fait que c'était aussi ça, les blockbusters. Il y a plein de studios qui ont voulu réaliser leur blockbuster et aussi qui ont commencé à flipper parce que tu faisais un blockbuster, donc on te disait « Ah mec, il faut que tu fasses un blockbuster, mais il faut que tu injectes dedans 150 millions de dollars, enfin ouais, peut-être un peu moins dans les 90, mais il faut que tu injectes au moins 100 millions de dollars. Mais si ton film, il se plante, ton studio, il peut couler derrière. Ouais, bien sûr. Tu vois ? T'as le producteur Adam Simpson, ce qui a inventé le truc de high concept. Voilà, le high concept, tu vois. Le high concept, c'est genre un scénario parfois très léger. Derrière, tu mets un truc de dingue. Mais si le film se plante, il se plante, quoi. Bon, lui, il a eu de la chance, Top Gun et compagnie, genre de tonnerre. Adam Simpson, c'était. Ça a cartonné. C'est ça, Adam Simpson. Ouais, Adam Simpson. C'est avec Jerry Bruckheimer. C'est un gros producteur américain qui a fait Tonnerre Mécanique. Non, Jeu de Tonnerre. Tonnerre Mécanique, on dirait. C'est le titre québécois de Transformers. Ça m'a fait penser à Supercopter. Le mec qu'on connaît pour Supercopter, Rex, La Sentinelle. Calomille. Le gros producteur. Jour de tonnerre, pas tonnerre mécanique. Jour de tonnerre, The Rock aussi, je crois, non ? De ses plus. Ouais, The Rock, The Rock, c'est Rock. Monsieur. Oui, The Rock, c'est. Non, ça s'appelle The Rock en anglais. Merci. Je vais te gifler. Oh, c'est extrêmement raciste. J'annule cette vanne. On va pas le couper, ça, Antoine. Non, on le coupe pas. Ça lui apprendra. Je vais te chicoter. C'est bon, il a contrebalancé. C'est passé. Je vais cette match. Mais. Oui, enfin bref, Don Simpson, c'est comme disait Lucas, c'est cette personne qui a un peu concrétisé cette histoire de high concept, qui est que au final un pitch, donc un film un peu résumé en deux phrases, doit pouvoir battre. Enfin, le scénario suit derrière. Un des plus faciles à citer, c'est Speed. Le principe, c'est si le bus ralentit, explose. Terminé. Et bon appétit. Mais ça veut pas dire que c'est des mauvais films. C'est juste que du coup on axe sur le high concept et au final on concrétise le fait que le scénario c'est ce qu'il y a de moins cher à faire et c'est tout le reste derrière qui compte quoi au final. Et on est un peu encore sur cette idée là hein, de toute combien, façon. En gros, je digresse, mais je me permets, mais ça coûte combien un scénario Ça coûte combien un scénario ? Un bon scénario ? Dans un film, on se dit, ça va faire du pognon. Quelle est la différence entre un bon scénario et un mauvais scénario ? Après, ça dépend. Vous avez dit ces chiffres ? T'as des auteurs qui sont super connus, genre Shane Black, on sait qu'à une époque, il prenait plus d'un million pour écrire un scénario. Je crois que c'est. Tu parles de l'époque de Post-Arme Fatale. Ouais, l'Arme Fatale. On sait qu'au revoir à jamais, ça leur a coûté une blinde à juste un scénario. L'Arme Fatale, à l'époque, c'était le premier. Je crois que c'est à l'époque où il l'a vendu, son scénario, surtout qu'il sortait d'école. C'était, je crois, le scénario qui a coûté le plus cher, à la vente. C'est moi, j'ai vu le chiffre. On connaît rarement le prix des scripts. En France, on n'a pas cette culture du scénario. En France, moi, j'ai des chiffres. Moi, je sais combien de coûté. En France, déjà, c'est bien si t'es payé pour le développement d'un projet. Déjà, en France, c'est un vrai problème par rapport à ça. C'est les producteurs ont du mal à lâcher de la thune en termes de le développement du projet. C'est genre, écris ton truc dans ton coin, tu me l'amènes. Ah oui, d'accord. Ils achètent des trucs déjà faits, tu veux dire. Pour le développement, alors qu'aux États-Unis, ils ont c'est différent. On les paye pour que les mecs fassent chez eux avec ça. Oui. Parce que c'est peut-être des choses aussi il faut peut-être rappeler aussi, c'est que du coup le même s'il y a eu pendant cette période un peu du nouvel Hollywood encore et tout où on s'est approché d'une espèce de politique des auteurs un peu à la française aux États-Unis, on était et on est retourné aux États-Unis à une un système de c'est des salariés tous. Enfin, il y a pas de droit d'auteur aux États-Unis. C'est des, il y a des royalties, un peu des voilà. Mais il y a, enfin, le réalisateur, le tout ça sont des employés des studios et ça, on y est vite revenu après des flops, enfin des échecs monumentaux comme La Porte du Paradis, des choses comme ça. C'est une preuve emblématique. Voilà, oui. Bah, de toute façon, c'est la preuve. Enfin, c'est même plus qu'une preuve. C'est factuellement ce qui a fait couler certaines choses. Mais du coup, voilà, on est revenu et encore aujourd'hui, voilà, à cette histoire de salariat. Donc, il faut bien comprendre aussi que pour un script aussi, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a du mal à savoir combien ça coûte. C'est peut-être aussi parce que c'est réécrit plein de fois et que il y a vraiment les scripts doctor. Ça dépend vraiment de l'auteur qui est derrière. Ouais. Simplement, hein. C'est, oui, oui, oui. Bah, comme partout, il y a aussi des grands noms de. Ou des auteurs, voilà. Même, oui. Mais comme les réals, au final, c'est. Mais pareil, c'est difficile, sur c'est des difficile d'établir aussi, un prix plafond, un prix de base, on va dire. Quoi. C'est quelque chose qui évolue énormément et ça peut passer du simple au double, voire bien au sûr. Triple, au quadruple, selon le nom associé. Quoi. Tout comme tu as des films qui se vendent sur des castings, bah, tu as des films qui se vendent aussi sur le nom de. Ouais, t'allais. Non, parce que tu dis dans mon sens, oui, ce que tu dis, c'est ultra intéressant parce que. Sur le nom du script, du. Le blockbuster, c'est ça aussi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que tu pouvais retirer toutes les infos de l'affiche, tu pouvais marquer Steven Spielberg, le titre du film, un acteur. Mais le nombre de projets qui sont lancés comme ça, ouais. Les exemples les plus connus de blockbuster qui a été vendu comme ça, c'était Indiana Jones. Ouais. C'était par le Steven Spielberg et Star Wars. Star Wars et Dents de la Mer. Voilà. Le mec qui a fait Jaws et avec le mec qui a fait Star Wars. C'est tout. C'était vendu comme ça. Mais ça se fait encore beaucoup en ce moment. Quelle merde, Indiana Jones. On s'est bien fait niquer encore. Non mais oui, c'est oui, quelque chose qui se fait toujours. Hein. Souvent, il y a des projets qui se montent juste avec des têtes d'affiche et des producteurs associés. Et la bande à fifi. C'est ça. Mais oui, non, mais c'est en vrai, c'est on a l'équivalent en France. Ouais. Mais il y a pas de scénario associé où le scénario vient au dernier moment. On dit bon, ok, on a ce truc là, on a ces gens là, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on parle tout de suite de la France, de la place de la France dans cette histoire là, ou est-ce que vous préférez parler aussi de avant de cette fameuse année 1982, année érotique du cinéma? Bah, je pense qu'il faut commencer par ça. Parce alors que pourquoi vraiment, 1982 déjà? C'est une des années les plus importantes parce que c'est vraiment l'année où, pour le coup, l'industrie cinématographique américaine s'est pliée vraiment à cette logique de gros films où chaque studio avait son produit d'appel, quoi. Et en fait, bah, les coups de bol, même si à l'époque les spectateurs ne les ont pas tous vus, bien au contraire, mais c'était l'année où en fait ils ont tous sorti des putains de grands films qui sont devenus des films cultes par la suite. Qui n'étaient même pas des blockbusters, même dans certains cas. Qui n'étaient pas tous des blockbusters cas, ouais. D'ailleurs, mais qui aujourd'hui on considère que c'est tous des blockbusters, alors qu'effectivement c'était pas tous le cas, il n'y avait pas que des budgets énormes. Mais c'est un été où en fait les spectateurs américains se sont bouffés des univers ouf sur univers ouf et des propositions dingues sur propositions dingues. Lui avec notamment Lucas au téléphone. Qu'est-ce qu'il y avait, hein, c'est ton moment name dropping. C'est parti. Alors, on vous ramène en 1982. Le 12 janvier 82. Non, là, on est sur du néon, on est sur de la coupe. De la coupe mulet. On est sur du fluo, on est sur du skateboard. Et qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on écoute? Du Balavoine. Du Jean-Jacques Goldman. Quoi à cette époque-là? Qu'est-ce qu'on écoute en France pendant que les Américains. Parce que. Là, on parle en termes américains, évidemment, on parle pas en termes français, parce que nous, on se tape les films pas si longtemps. C'était pas forcément le grand écart, parce qu'en 82, beaucoup de films sortaient en mai-juin, sortaient en octobre chez nous. Oui, d'autres en décembre. Mais c'était pas encore comme dans les années 90. Dans les années 90, les films, ils se disaient, on les sortait vraiment un an après. Dans les années 90, début 2000, c'était vraiment, on se tapait un an après. Un doublage à peu près correct. Donc là, oui, parce que oui, ça aidait. Ouais. On a une liste de. Oui, c'est vrai qu'en parallèle, mi-80, début 2000, c'était le meilleur doublage français. C'est vrai. On a une liste de quelques films, j'en ai noté quelques-uns, les plus emblématiques, comme disait Jean-Victor, de créateurs d'univers complètement disparates, différents, et puis derrière, à la barre des auteurs à qui ont laissé quand même le champ plus ou moins libre. Voilà. Donc on ne parle pas non plus de giga entrée, mais on parle de films d'auteurs. On parle des films grâce auxquels vous avez Stranger Things aujourd'hui. On parle de quoi, c'est ça? Ouvrez bien vos oreilles. Parce que connard. A priori, c'est des noms qui vont vous parler. Pour rien. 82, hein. Un an. Alors, un été même. Qu'est-ce qu'il y a? Le premier que j'ai noté, donc on commence tôt dans l'été, on n'est même pas encore en été, c'est encore le printemps. Le 14 mai sort le film de John Milius qui s'appelle Conan le Barbare. Nul. Voilà, sorti et qui étonnamment, pour le coup, pour contredire ce que je disais juste avant, était sorti le 7 avril en France. Donc nous, on a eu le film un mois Ah ouais, aux États-Unis. Putain, c'est fou. Ouais, Austin, c'est donc un film qui a coûté 16 millions de dollars et qu'on avait rapporté 130 millions. Je sais pas s'il y a des fans de Conan le Barbare et peut-être de sa suite. Sûrement un peu moins. plus compliqué. Ouais. On commence à être bien. Ici, mais ça reste quand même, un film de taré qui brasse des légendes et des styles narratifs ancestraux assez dingues avec un univers de fou, une bande son de dingue et un Arnold Schwarzenegger. Au top de son jeu. Au top. Plus musclé que jamais. C'est Basile Poledoris à la musique. C'est Basile Poledoris, ouais, à la musique. Des mecs avec des noms qui claquent. Mais clairement, les gens. Des Basile Poledoris, top bah, ça se pose là. Hein. Kick, mais clairement, les gens n'avaient sûrement pas vu à l'époque ce genre de film pris autant au sérieux, en fait. Ils avaient peut-être vu chez Roger Corman ou dans d'autres studios des séries Z de mecs en slip ultra musclés qui se battaient contre des serpents géants. Mais ça n'avait jamais été pris au sérieux comme ça. On ne s'est jamais dit c'est une histoire sérieuse. Je pense qu'il est, pour ceux qui ne l'ont pas vu, évidemment. Oui, c'est un nana. Je pense qu'il est mis dans cette catégorie-là, ouais, c'est-à-dire des mecs en slip, quoi. Tu vois, je regardais Xena et puis Hercule avec Ryan Gosling sur cette chaîne du câble. Bah, Conan, c'est pareil. Oui, oui. Bah, bref, regardez-le. Comme on l'a si vous voulez, sûrement. Conan, le barbon. Donc là, on est au 14 mai. Habile. Une semaine plus tard sort un film qui était sorti 6 mois avant en Australie d'un docteur qui avait décidé de réaliser des films. Un dentiste. T'as quelque chose contre les dentistes ? J'aime bien préciser. Dentiste ! Et du coup. Mais qu'est-ce qu'elle me veut, la dentiste ? Voilà. Pour qui elle se prend, la dentiste ? Pour qu'elle se prend. La suite, donc Mad Max 2. The Road Warrior. Le défi en français. Le défi. Voilà, en anglais, The Road Warrior, en français, Le Défi. Donc, toujours avec Mel Gibson qui empile dans le film de George Miller, un film qui avait coûté 4,5 millions de dollars et qu'on avait rapporté, Canada et États-Unis compris, 23,7. C'est pas grand-chose. Mais d'un point de vue mise en scène, cinéma, ça a quand même été un tournant du film d'action, du film de poursuite. Demander ça à Johnny Hallyday, toi, tu vois. Ouais, voilà. Enfin, plus maintenant, du coup, parce qu'il est déjà enfin, disons que tu peux lui demander, mais il ne répondra pas forcément. Il y a un an. Tu pouvais respecter les grands auteurs de la chanson française. Merci, Bastien. Avec tout le respect qui lui est dû, hein, évidemment. Voilà. Non, mais il a quand même fait un album basé sur l'univers de Mad Max 2, ouais, quand même. C'est vrai. On ne le cite pas assez. C'est vrai. Qui est un très gros succès. Toute une tournée de concerts avec l'univers de Mad Max. Donc un film, une fois de plus, qui a retourné le cerveau de pas mal de téléspectateurs à travers le monde qui se sont dit c'est quoi ce délire de gens complètement tarés qui se poursuivent sur la route et qui ont un culte aux voitures. Enfin, il y avait tellement de choses dans le film. Une semaine plus tard, le 21 mai 82, sort le 28 mai 82, le troisième film. On rentrait dans une trilogie d'un film sur la boxe. Rambo 3. Non. Sur la boxe, Willem. Sur la boxe. Son acteur et scénariste du premier film réalisait du coup le troisième film, donc Stallone, et le film a coûté 17 millions de dollars. Donc Rocky 3, l'œil du tigre en français. Le film a coûté 17 millions de dollars. À mettre en parallèle avec le reste, c'est quand même beaucoup d'argent. Beaucoup d'effets. Les gens avaient pris, les comédiens, je pense, avaient pris beaucoup de pognon. Je crois que c'est un film qui était quand même relativement long à faire, assez compliqué, mais qu'on avait rapporté pour son studio 270 millions de dollars. Il me semble que, si je dis pas de bêtises, c'est le quatrième film qui a fait le plus d'entrées aux États-Unis cette année-là. Ce qu'on appelle une bonne opération. Voilà. Donc c'est une année énorme. Donc déjà là, ils sont Conan le Barbare, Mad Max 2, Rocky 3, niveau action, niveau transpiration. Niveau muscles. Les spectateurs, niveau muscles, exactement. Très peu de jantes féminines hein, pour l'instant. Il y a déjà eu 500 kilos de muscles. 500 kilos de muscles en trois films. C'est ça. L'héroïne féminine, mais. Et là, on part. Du coup, ça fait 5 ans qu'est sorti le premier Star Wars. On repart dans la galaxie avec Star Trek 2, The Wrath of Khan, de Nicolas Meyer, qui sort le 4 juin, donc dans le mois de juin. Chez nous, sorti au mois d'octobre. Le film a coûté 11 millions de dollars. Il en avait rapporté 97. Oh la vache. Ce qui est quand même pas mal, parce que ça nous paraît peu par rapport aux énormes chiffres qu'on va sortir après, mais c'est quand même genre 9 fois le budget du film. C'est juste énorme. D'ailleurs, en France, c'est pas forcément un truc qui parle beaucoup aux gens, mais faut savoir qu'aux États-Unis, bon, Star Trek est évidemment plus connu. Et le film qui est souvent le plus cité, c'est Wrath of Khan, qui est en fait considéré comme un chef-d'œuvre là-bas, vraiment. Ils sont dès que tu parles de Star Trek, ils disent ah oui, sur Star Trek, défonce, quoi. Quoi. D'accord, ouais, ouais. Mais oui, c'est oui, pour moi, je pense, enfin, je les ai peut-être pas tous vus, les films des années 90, etc., mais c'est sûrement le meilleur film Star Trek. Ah ouais, notamment. Tu ouais, je pense, ouais. Un des mieux que Star Trek. Into Darkness. Into Darkness. J'ai pas vu le dernier. Ah, moi, je préfère l'original. Je préfère le motion picture. Le premier, celui de. Oh, ouais. Et donc, Star Trek 2, c'est le score de James Horner qui est genre complètement dingue. Et le même jour, les spectateurs qui étaient allés voir Star Trek 2 pouvaient genre sortir, manger un hot dog, boire un soda, retourner en salle et aller voir Poltergeist de Tobe Hooper. Toby, c'est ce qu'avait écrit générique. Enfin, Toby Hooper, voilà, dans l'escarcelle après Massacre à la tronçonneuse, dans l'escarcelle de Steven Spielberg et de qui a priori a dire maintenant c'est plus effacé officiel maintenant, hein, sur quoi, pas mal de scènes derrière la caméra, on retrouve sa patte. Il a la majorité. On retrouve sa patte sur à peu près chaque plan du film. Voilà, donc le film a coûté pareil 10,7 millions de dollars et on a rapporté 121,7 millions. C'était énorme. Les gens commençaient à aimer se faire très, très, très, très, très, très peur au cinéma. Encore une belle OP. Encore une belle OP, voilà. Ensuite, coup, hein, Stéphane. Hein. Trois semaines Stéphane, plus tard, un énorme film, un très grand film, un chef-d'œuvre qui a rapporté très peu d'argent et qu'on avait coûté énormément. Un film qui avait coûté 28 millions de dollars. Donc c'est clairement le film le plus cher. Le plus cher de l'année. C'est pas un truc qui se passe dans la neige. C'est pas un truc qui se passe dans la neige. Non, c'est pas un truc qui se passe dans la neige. Le film avait coûté 28 millions de dollars et en avait récolté 33,8. Ma première étoile. C'est très peu. Avec Lucien Jean-Baptiste. Je crois que c'est lequel c'est déjà lui. Donc personne pour deviner. Le 25 juin. Exact. Je fais le train. Exactement. Ah non, non, non, Blade Runner. Ah, Blade Runner. Ah, Blade Runner, ça a rapporté. Ah, c'était la grande Blade Runner là que t'as fait. C'était la liste Blade Runner. C'était du Vangelis. Comme quoi, Vangelis, ça se fait pas bien en karaoké. Ah, bah, je sais pas, la version remasterisée, ça. Ah, ouais. Ah, ça c'était le plus. En même temps, c'est pas étonnant que ce soit le plus cher, hein, parce qu'en termes de. Bah, 28 millions de dollars, bah, en termes de matériel. Enfin, on dit le plus cher, mais c'est pas non plus. En termes de matchmaking, de trucage, etc. En même temps, la version de base, c'est pas terrible. Maintenant, on connaît tous le film, surtout avec le Final Cut et les différentes versions qui sont sorties après, mais la version de cinéma de base est pas la meilleure. Tu insinues que ça a triché, Vincent? Je insinue pas, j'ai triché, insinue qu'il y a eu des retouches et qu'il y a eu des triches. Il y a eu retouches. Tu es en train déjà indirectement de dire que Ridley Scott est un mauvais réalisateur. Je dis pas ça. Je dis que c'est un mec qui a eu 3 films en début de carrière et après, on en a... voilà, c'est tout. Après, bon, bah, il a vieilli. Il y a un super bouquin qui est sorti. Non, je rigole, il fait de la pub pour tout le monde. Allez, c'est le podcast copinage. Et du coup, comme disait Jean-Victor, le même jour est sorti un autre film qui se passe en Norvège. On est en mai, là ? Il se passe en Norvège ? Non, on est le 25 juin. 25 juin. Ah oui, bah oui. On est le 25 juin, mais les gros films de l'été 82, c'était vraiment mai, juin, début juillet. Et qui était aussi prévu pour tout péter. Encore un film qui fait un film qui était prévu pour tout péter parce que le réalisateur avait le vent en poupe, il paraissait qu'il pouvait faire des très bons films avec pas beaucoup d'argent, qu'il allait ramener les gens en salle. Qu'il allait faire un énorme succès quelques années avant avec un slasher. Je peux te faire à deux aussi, tu veux. Ah, vas-y, les gens sont pas prêts, mais vas-y. Dom, dom. Dom, dom. Ah, ils sont pas raccord. Dom, dom. J'ai peur. En plus, il commence à faire nuit, j'ai peur. Dom, dom. Mais c'est bien évidemment. Vous avez reconnu l'Empire contre-attaque, bien évidemment. Lost It Shows. C'est la chose. The Thing de John Carpenter qui avait coûté quand même 15 patates. Quand même, je pensais que c'était un petit budget cette affaire-là, mais non, en fait. Ça, je crois qu'ils sont passés en maquillage, notamment. Ouais, exactement. Avec et certains animatroniques. Qui avait coûté 15 bien, millions de dollars. Bien dégueu. Et qui en avait rapporté 19,6. Ce qui est très faible. Et en fait, j'ai annoncé ce film-là dans ce sens-là, 2 semaines, parce que le film est sorti 2 semaines après le film de Steven Spielberg. Ah oui. Convoquer déjà un extraterrestre. Et là, c'est. De manière c'est de l'aborder. Ça a été la manière de l'aborder assez différente. C'est E.T. ça. Moi, j'allais faire ça. C'est vrai, parce que. Voilà. Donc, E.T. qui sort le 11 juin, en fait, qui est présenté le 26 mai à Cannes, en France. Qui est présenté le 26 mai à Cannes, en France. Et qui sort le 11 juin aux États-Unis, le 1er décembre en France. Qui est un film qui a coûté, genre. Un peu 4 millions de moins à faire que The Thing, qui a coûté 10,5 millions fou, et qui a rapporté les calculs chez vous, hein, dans le monde entier on vous laisse faire le 792 millions de dollars. C'est juste. C'est ce qui est monumental. C'est juste. Pour l'époque, c'est énorme et indécent. Et qui a coupé l'herbe sous le pied de John Carpenter, qui a sorti un film de taré aussi sur la nature humaine, sur l'essence de la peur, qui a fait un travail dingue de narration et de mise en scène. Oui, mais il faut savoir que si tu mets à le jour film, le box-office US avec l'inflation, ça en dollars ajustés. En dollars ajustés, c'est aujourd'hui en fait le quatrième plus gros succès de tous les temps américain de tous les temps. Quels sont les trois premiers? Il y a Autant n'importe le vent. Il y a Autant n'importe le vent. Il y a Star Wars. En deuxième, ouais. Ouais, je crois que le deuxième c'est Star Wars. Et le troisième c'est La Mélodie du Bonheur. Ah ouais. The Sound of Music. Pas un seul Marvel, les gars. Je dis ça, je dis rien. Et d'ailleurs, si vous faites le comparatif, parce qu'on peut faire les malins, si vous faites le comparatif date à date avec 2018, là on en est. On a passé Tomb Raider, Pacific Rim 2, Rampage, Deadpool, Solo. Parce qu'on va y arriver un moment. On va en reparler, mais c'est pas la même limonade. Donc, The Thing, voilà, bon, je peux en parler deux heures, mais on va éviter. Non. Mais c'était un calvaire total. Il devait tourner dans un film où il était censé faire moins 30 à l'image, à l'extérieur, il faisait juste 42 degrés. Ils étaient dans des studios qui devaient réfrigérer. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. C'était une débandade pas possible. Et donc je continue, le 9 juillet... Je peux signaler que la gente féminine n'est toujours pas très présente dans cette affaire-là. Hein, voilà, c'est 82, les choses étaient différentes. La chose, ouais, merci. La chose féminine. C'est ça ta représentation chose, de la femme. C'est... Pour toi, c'est ça, une femme. Dans Poltergeist, il y a une gamine, et puis dans Blade Runner, il y a une réplicante. À un moment, il y a une fille. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Le 9 juillet 82, donc 9 ans avant ma naissance, jour pour jour, sort Tron. N'oubliez pas le cadeau pour de Steven Lisberger qui coûte 17 millions de dollars, donc un film très très cher et qui en rapporte, enfin très cher, qui en rapporte 33 millions de dollars, qui a vieilli mais quand même était une pierre tournante de la science-fiction et des désirs de narration et de raconter des univers et des choses autres. Et ensuite un autre énorme carton de l'été qui est sorti le 13 août, donc sur la fin avancée de l'été, qui avait coûté 6 petits millions de dollars et qu'on avait rapporté 131 millions de dollars. Ah, encore une belle OP. Pour prouver que derrière la déluge d'effets spéciaux, les Américains avaient quand même un grand désir de lyrisme et de souffle aventureux d'aventure. Voilà. Avec leur acteur préféré du moment, Richard Gere, c'est An Officer and a Gentleman. Donc c'est quoi? Officier et Gentleman. Officier et Gentleman, je crois. Voilà, en français, alors, que beaucoup de personnes ont oublié. Ouais, mais quelqu'un l'a vu autour de la table, mais qui... Moi, je l'ai vu, ouais. Ah, c'est bien. Qui est le troisième plus gros film de l'année. C'est aux États-Unis le troisième plus gros film de l'année. Non, ah ouais, il est devant Rocky 3, il est devant Star Trek 2, il est devant Poltergeist. Comme quoi, il est devant, hein. Ouais, c'est assez impressionnant. Donc voilà, ça clôt un peu. Il y a eu d'autres films, mais qui sont sortis en décembre, donc ça, je le compte plus, genre Tootsie, etc. Mais on fait énormément d'entrées. Ouais, mais c'est voilà. Tootsie, je sens qu'on va pas tarder à se manger un remake de Tootsie, hein, même si on a des chances. C'est plus ou moins des remakes de Tootsie souvent, mais tu veux dire Madame Doubtfire? Oui, voilà. Non, mais même tu vois, genre des Tootsie ou Madame Doubtfire, je pense qu'on va pas tarder à se manger un remake de ça. Enfin, c'est aussi des classiques de la comédie américaine. Tous les films que Lucas a cités, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont tous considérés comme des films cultes. Vraiment de la planète geek. Et du coup, il y a un autre film qu'on a oublié de citer, mais qui était aussi important dans tout ce. Parce qu'on a cité plein de films qu'on va faire la liste. T'as oublié un film ? Ouais, t'as oublié un film. Ouais, t'as oublié un truc qui a marqué aussi un petit peu la culture geek, puisqu'on parlait de ce bon vieux Sylvester Stallone, qui nous avait fait Rocky 3, mais qui la même année faisait aussi un petit truc qui s'appelle Rambo. Donc voilà, il achevait un petit peu son statut iconique en passant de boxeur à ancien soldat du Vietnam qui revenait un petit peu traumatisé. Ouais. Et un homme multifonction. C'était en plus un putain de film, parce que pour ceux qui n'ont pas vu les Rambo, le premier n'est pas du tout un truc de bourrin. C'est ce que j'allais dire. C'est un drame psychologique super, super bien. Ceux qui l'ont pas, ceux qui l'ont pas vu. Ceux qui a fortement surpris le gamin de 12 ans qui découvrait le premier Rambo après avoir vu le deuxième. Ouais, parce que c'est ça, c'est qu'en fait, les deux ont l'imagerie avec les grosses sulfateuses et tout, c'est dans les suites, on le rappelle et tout. Et évidemment, c'est pour ceux qui l'ont pas vu qu'on fait ça. Mais je veux dire, c'est vrai que le premier est beaucoup plus. Ça commence tout au début où il est un peu genre SDF, machin, ça. Et c'est vraiment un truc psychologique, quoi. Il y a quand même le bandeau rouge, je crois, et tout, dans le. Ouais. SDF. Dans le premier. Parce que si, il est SDF au début, je suis désolé. C'est un beau. Bah, presque. Presque. Qui cherchait. Voilà, ouais. Qui revient au pays. Et si vous avez cette image de grosse franchise de bourrin et que vous n'avez jamais vu aucun, regardez-moi le premier, parce que ouais. C'est un très beau film. Bah, c'était déjà une belle année de cinéma. En faisant la liste vite fait, on a quand même du Mad Max, Conan, Tron, Blade Runner, Rocky, Blade Runner, The Thing, you name it. On est capable de voir la qualité de ces films à l'époque quand ils leur sortis. Visiblement non, vu que The Thing a quand même légèrement bidé, Blade Runner est légèrement bidé aussi. Non, parce que c'est vrai que c'est des films, bah, les deux que tu as cités, bah, qui sont des films qui ont été très très mal reçus, les critiques les ont défoncés quoi. Oui, oui, ça n'a pas été des succès spécialement critiques. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on va réhabiliter Avengers Infinity War du coup, qui s'est fait insulter par les critiques quand même du coup, Ouais, mais lui il n'a pas été un échec commercial. Oui, c'est Avengers, un succès commercial. Enfin, Avengers, oui, Avengers 3. On la France dans cette histoire. L'étuche. L'ingé se réveille. Non mais oui, qu'en est-il, avant qu'on parle de 2018, et on peut parler de 2018 parce qu'au final, Est-ce qu'on peut parler du blockbuster français. On en avait déjà un peu parlé dans notre émission spéciale comédie. Parce que les deux sont liés, on va pas se mentir. Il y a quand même une légère corrélation entre les deux. Est-ce que les films comiques français, ça serait pas les blockbusters français aujourd'hui? Est-ce qu'on a plus, ou est-ce qu'on a vraiment de mémoire des gros films comme ça? À l'époque d'action français en 82 on a les gendarmes et les gendarmettes si tu veux la même année que E.T. 82 ça veut dire toi que la même année on avait L'As des As avec Bébel ouais, bien sûr Gérard Houry non. Et on avait aussi 2h15 avant Jésus-Christ. Jean-Yann, très bon film. Comédie française. C'était pas un film d'action. Enfin, tu vois. Mais une comédie drôle. Gros budget français. Ouais, 2h15 avant Jésus-Christ. Jésus-Christ parlait de. Et on avait aussi la. C'est de la merde. Lucas dit c'est de la merde, la bouche pleine. Ouh, Jean-Yann va se lever de sa tombe. Très nul, 2h15. Ah non, c'est bien, 2h15 avant Jésus-Christ. Est-ce que tu penses qu'il y aurait eu un Astérix Mission Cléopâtre s'il n'y avait pas eu de Normand le Caravan Jésus-Christ? Ah, bien sûr. Ok. Il n'a pas tort. Alors, du coup, la fête du cinéma. Alors, on vous laisse débattre chez vous. La fête du cinéma, on voulait en venir un peu parce qu'on enregistre. Mission Cléopâtre, c'est de la merde. Non, je rigole pas. Trop tard, on va le mettre en boucle. Tu vas avoir le droit de. Tu vas devenir un mème. Mais oui, on voulait parler rapidement aussi de. La fête du cinéma, que Lucas nous rappelait hors antenne que ça avait été créé en 1985. Ouais, 1985, ouais. Par la FNCF. Donc, ils ont loupé le coche de D82. Ils se sont dit, merde, il y avait un truc à faire. Bon, en même temps, ils auraient mieux fait de ne pas la créer en 82. Ouais, ça a été créé par le FNCF et j'ai plus le. Fédération nationale des cinémas français. Des cinémas français, ouais, c'est ça. C'est les fédérations des exploitants. Ouais. C'est donc tous exploitants qui se réunissent d'ailleurs. Si vous avez la curiosité de traîner. Autour de Deauville, je ne sais plus quand se tient le congrès du FNCF. C'est assez truculent parce que vous allez pouvoir voir en avant-première des affiches et des extraits de tous les. De Aladdin notamment. Ouais, et autres. De tous nos blockbusters du coup actuels. Oui, c'est de ça. De comédie. Où ils misent tout quoi. Au congrès des exploitants, quand ils ont vu des extraits de La Famille Bélier, ils savaient. Ils savaient déjà. Ah, ça bandait dur, laisse moi te le dire que là. Tu rigoles, mais c'est vrai. On a le droit, c'est la comédie française. Non, je sais, je dis pas. J'arrête pas de travailler dans la distribution qui était, et les mecs étaient conscients que ça allait tout bien mettre, sûr. Quoi. Bah oui, parce que. Comme intouchable à l'époque, ils le savaient. Mais donc, du coup, voilà, est-ce qu'on n'est pas justement en train de. Et faire croire à Louane qu'elle est actrice, ça c'est un truc, faut arrêter, hein. Faut arrêter de faire croire aux gens qu'elle est actrice, cette dame-là. Moi j'ai vu des bouts des Affamés, c'était pas violent. Non, je me permets de poser un coup de gueule, parce que moi j'ai été le voir, les Affamés, au cinéma, on était deux. J'ai été le voir. C'est une sombre merde, notamment à cause de cette bonne femme qui ne sait pas jouer la comédie. Non, c'est une catastrophe. Je me permets de le signaler parce qu'il faut vraiment arrêter. Louane ne sait pas jouer la comédie. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, on enchaîne. Bon, bah Bastien a passé son coup de gueule. Voilà, mais je suis assez d'accord avec lui. Et je trouve ça d'autant plus dommageable que le sujet du film était très intéressant. Oui. Et que pour en avoir vu quelques scènes, je me suis dit, c'est raté. Plus jamais. Mais bref, est-ce qu'on n'était pas avant que Bastien remue les brancards dans la plaie, ouais. Est-ce que on ne serait pas justement avec tout ça en train de parler de confirmer le fait que les comédies françaises sont les blockbusters français quoi. C'est là-dedans qu'on met le budget, c'est là-dedans qu'on met la com. Antoine porte, non, c'est Bastien qui le porte, le badge Jeff Tuche 2018, le badge promotionnel. Mais oui, on est sur des OP promo énormes pour des comédies françaises. On peut en parler de l'éléphant dans la pièce, mais c'est Taxi 5 cette année, qui a été le gros blockbuster. Ah, en plus des Tuches, parce qu'il y a eu les Tuches aussi. Mais les succès surprise de la comédie de Franck Dubosc. Ah oui, de Tout le monde debout, ouais. Que j'ai vu et que j'ai plutôt bien aimé. Qui est un Tout le monde chiante, debout. Mais pourquoi pas. Très bien. Chiante. Il y a aussi, elle est gentillette et ouais, moi j'ai trouvé ça cool. Il y a La Ch'tite Famille aussi. La Ch'tite Famille, oui. Gros blockbuster. C'est un blockbuster, aussi. C'est des films qui. Ouais, enfin, oui, par exemple, Danny Boone fait des blockbusters en France parce qu'il fait des films qui coûtent une. Ça coûte 30 blinde, patates, quoi. Ça coûte plus. Ça coûte 3 E.T., on peut le dire. La Ch'tite Famille coûte 3 E.T. au dollar ajusté. Et on est à moins de 2 E.T. en termes de qualité filmique après derrière. Alors la raison de tout ça, c'est aussi parce que voilà, c'est ces films-là qu'on fait du succès. Enfin, il n'y a pas 50 explications. C'est que ces films-là ont fait des gros cartons et qu'on on finance pas les autres, du coup. Et que c'est un cercle qui s'entretient. C'est un cercle vertueux pour le cinéma. Il y a un truc aussi, c'est que la qualité du cinéma, mais pour le cinéma d'action, ça coûte du blé. En France, on a. Et en fait, les producteurs sont hyper réticents à l'idée de mettre de la thune dans un film où il va y avoir des explosions, etc. Parce qu'ils disent, en gros, les Américains le font, pourquoi nous on le ferait ? Sauf que les Américains font des comédies, ils le font très bien aussi en France, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que on citait 82 avec L'As des As, où à l'époque on faisait des gros films d'action, etc. Et on a un petit peu arrêté entre temps. Il y a quelques réalisateurs qui tentent de temps en temps de faire des grands films avec beaucoup de décors, etc. On aura l'exemple à la fin de l'année avec Richer qui fait son Vidocq avec L'Empereur de Paris. Ah oui. Donc on verra bien ce que ça donne, mais c'est vrai qu'en France c'est devenu beaucoup plus rare alors qu'on a quand même les capacités pour le faire. Même si je pense qu'autour de cette table personne n'aime Valérian, mais Valérian c'est quand même l'exemple d'un film financé en France. Ouais, bien sûr. Alors, c'est un cas un peu à part, mais financé en France, mais avec un film français. Il y a une partie française, il y a une partie chinoise. C'est pas juste français, mais voilà, c'est fait en France. Quoi. Après, on peut parler aussi de glisser vers ça avec ces histoires de financement qui viennent d'autres pays, on peut parler des films d'animation aussi. Enfin, je me tourne vers Lucas, mais si c'est un peu notre monsieur animation. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que l'animation aussi, les succès d'animation française sont aussi des films qui sont montés avec d'autres pays, mais qui. Où les talents, on va dire, les réalisateurs au moins, viennent de France. Peut-être. Je pense aux Mignons, par exemple. Ouais. Mais je pense à chez Méchant. Je pense aussi à des films. Peut-être, c'est peut-être plus des films de. Ouais, ou minuscules. Non, mais je pense aussi à des boîtes genre. Après, je me suis peut-être en train de m'embourber, mais La Tortue Rouge, il n'a pas fait un carton extraordinaire. Si. Non, la Tortue Rouge n'a pas fait un carton, mais si, pour reprendre l'exemple. C'est un réalisateur, mais. Des films de niche, il est francophone, il n'est pas français. Ouais. Je ne connais pas son identité propre et je ne connais pas ses papiers, mais je sais que Michael Dudok de Witt, il parle français. Enfin, je veux dire, il est d'origine hollandaise, je crois. Et il parle français, c'est produit par Prima Linea, c'est français, c'est en coproduction effectivement avec des gens du côté de chez Ghibli, etc. Voilà, mais tu parles des millions, des millions. Tu parles des millions qu'on fait des millions d'entrées à travers le monde, qu'on fait genre 900 millions de. Il a cherché un regard et il a pas trouvé. Non. Les millions qu'on fait genre plus de 900 millions, je crois que c'est ça, 800 millions de dollars. À travers le monde. Les millions, hein. Les millions ou. Non, moi je crois que ça tape les millions. Les millions, ça fait plus que les. Les millions, ça tape une milliard. Les millions, c'est un milliard. Putain. Génial, catastrophique. Et Donc l'animation française se porte bien. Mais du coup, c'est pas de l'animation française. Oui, bien sûr. C'est le cas. Je voulais amener un peu. C'est le cas de MacGuff Illumination, qui était MacGuff Line à la base, qui était une société d'effets spéciaux qui bossait sur qui est toujours, sur des films. Toujours. MacGuff Line existe toujours. Est toujours une société d'effets spéciaux qui a été montée par quatre producteurs français. Qui ont bossé sur plein de prods au début des années 90, les films justement de genre un peu français, style Doberman, tous les films de cette clique-là, Assassin, Kassovitz, etc., qui faisaient des effets spéciaux là-dessus. J'ai plus son nom là tout de suite, mais un des producteurs de chez Universal, l'Universal Animation, cherchait un pays dans le monde doué en animation. Donc ils se sont dit le Japon, ils se sont dit la Belgique, les Allemands, ils se sont dit où est-ce qu'on va pouvoir. Les Allemands. Avec qui? LOL. ils ont vite fait demi-tour. Ouais, tu cites-moi un film d'animation allemand, vas-y. Bah si. Voilà. Et du coup, ils ont dit non. Le roi et l'oiseau. Alors, merde. Et du coup, ils se sont dit. Les Führer et l'oiseau. Qu'est-ce qui se passe? Ah là là, il va y avoir du montage. Hein. Qu'est-ce qui se passe? William, il pète un câble, tout va bien, tout glisse, et tout d'un coup, il part en torche. Il dévisse. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, ce producteur de chez Universal a cherché dans le monde où est-ce qu'il pouvait. Il a cherché longtemps. Non, il a pas cherché. Il a pas cherché très longtemps. 10 minutes. Ouais, c'est ça. Il s'est dit où est-ce que dans le monde je vais pouvoir trouver des gens qui sont doués en animation, qui vont pouvoir bosser très très bien, et en plus de ça, où on va pouvoir trouver des financements d'un point de vue coproduction. Oui. Donc effectivement, il s'est dit la France, avec tout ce qui est crédit d'impôt, etc. Il y a quelque chose à faire. Donc du coup, ils sont rapprochés de MacGuff. Ils ont créé Illumination. MacGuff Illumination. Mais il faut savoir que quand Universal travaille avec MacGuff pour réaliser un film, ils prennent un coréal français. Ouais. Effectivement, par Pierre exemple, Coffin. Pierre Coffin, exactement, un ancien élève des Gobelins, qui a réalisé plusieurs courts-métrages et un ou deux longs-métrages. C'est grâce à lui que vous avez le banana des mignons, d'ailleurs. C'est lui qui fait la voix des mignons. Exactement, c'est lui qui fait la voix des mignons. Mais derrière, avec Pierre Coffin, ils mettent un coréal américain, et puis il y a les poules de scénaristes, ils sont quand même, il y a quand même quatre scénaristes sur le premier Moi chez Méchant, qui sont tous américains. Enfin, ça a beau se passer en France, être fait en France avec de l'argent français, et du coup on s'en targue derrière, c'est très bien, mais les Despicable Me, c'est plus un argument marketing, c'est quand même des films américains. Au début, c'est un film l'a dit après la sortie du 3, hein, il n'y a plus jamais ça, c'est fini, j'ai tout donné, j'en peux plus. Et il devait d'abord faire du live. Il va faire du live. C'est des films qui sont faits dans des conditions assez étranges. Par exemple, Les Mignons, le film centré sur Les Mignons, en fait, ils en étaient arrivés à un point où ils n'avaient pas de scénario, et ils avaient une espèce de structure du film, et ils avaient entre 8 et 15 versions de chaque scène. Et en fait, ils les essayaient toutes pour voir à un moment s'ils pouvaient en tirer une narration, et en fait, ils ont fait le film comme ça. Ouais. Le mec n'était pas avec une histoire, donc là, ce serait marrant qu'il y ait ça, là, ce serait marrant qu'il y ait ça. Si on lit ça, on peut avoir un bout d'intrigue à ce moment-là, et en fait, le film a été construit comme ça. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, William, que tu parles de Illumination, que tu parles de Blockbuster, parce que le deal qui a été signé, le deal qui a un peu été signé avec, entre Universal et MacGuff, c'est-à-dire qu'il fallait sortir 3 longs métrages par an. Le but était de sortir 3 longs métrages par an. Pour l'instant, juste Illumination. Ouais. Pour l'instant, ils s'y tiennent. Mais le but était de faire 3 par an. Ouais. Bah au final on en a. Mais il y a quoi ils sont sortis Despicable Me 3, Sing et enfin tous en enfin Sing voilà Sing tous en scène et les mignons et l'année d'avant. Ouais, enfin ça c'est pas la même année. Hein. Mais les secrets des bêtes, ouais, tous en scène ouais, ça, ouais. Et les mignons. Et je sais plus ce qu'ils ont cette année, mais cette année ils vont sortir le Grinch et ils vont en sortir peut-être un déjà. Je peux être du Grinch mais. Hein? J'ai un peu hâte du Grinch parce que c'est. Après, mais par contre, t'as vu les images qu'ils ont fait de mieux pour l'instant. Ouais, mais t'as vu les images. Terme du mot, ils peuvent se donner. Hein. Ouais, mais c'est surtout que moi j'ai eu de l'abandon. À la fois, j'ai hâte parce que j'aime bien le Dr. Seuss et tout, mais à la fois, genre les blagues du Grinch, c'est les blagues de Gru dans Moi je suis méchant, quoi. Oui, il en fait parler comme ça, pareil, il va parler avec un. Non, mais tu sais, puis c'est le truc de genre, je fais tomber un truc par terre parce que je suis très méchant et tout, enfin, tu vois, c'est. Enfin, bref, mais. Quand je commençais à voir des teasings, je me suis dit, le Grinch, ça peut être cool en anime. Tu vois. Du coup, il y a vraiment eu ce deal-là avec Universal, de projets très calibrés, très formatés, à l'écriture narrative qui se ressemble, au chara-design qui se ressemble, pour reconnaître un film d'Illumination d'un simple regard. Ah oui, et derrière, de ultra-marketer le film, et de le vendre, et de le mettre à fond sur les réseaux sociaux avec toute la force de frappe qu'a Universal, et de le rendre viral, et d'amener les gens en salle, et les gens en salle, après, ils sont un peu quoi. On avait parlé d'ailleurs après la sortie des Mignons, où il disait qu'en fait, ils avaient signé trop de deals, et que lui, il s'était pas rendu compte au moment des deals, et de toutes les réunions, etc. En fait, il avait pas réalisé l'ampleur il disait, j'ai quasiment créé un monstre. En fait, lui-même, on pouvait plus de voir les Mignons à la poste. Oui, c'est vrai, j'avais entendu ces trucs-là. Il disait, mais ouais, on a fait n'importe quoi en fait. Ouais, il y en a trop. Au final, il y a eu ce deal marketing malgré lui, mais qu'on a pu parler avec Lucas et tout. Ouais. Sauf que lui, c'était sauf malgré lui. Genre, il n'a pas fait exprès en fait. Il s'excuse en disant pas du tout calculé. On a fait trop, on a pété un câble. Pour recentrer, pour avoir la big picture justement sur tout le blockbuster, en général, ça résume bien le problème en fait, finalement, le coût des millions. Que finalement, les films n'ont finalement que peu d'importance. Aujourd'hui, maintenant, quand les blockbusters sortent, les films ont finalement peu d'importance. L'importance, c'est l'impact que ça va avoir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et tout ça. Et c'est ça, c'est le fait qu'à un instant T, ok, il faut voir ce truc-là, parce que ce truc-là, c'est le truc qu'il faut voir à ce moment-là. Et c'est plus que ça qui est finalement de l'importance. Le film, au final, qu'il soit mauvais ou pas, ça a peu d'importance. D'ailleurs, typiquement, comme tu dis, le cas des Mignons, enfin, le film Les Mignons, voilà, enfin, à titre personnel, je ne l'ai pas vu, mais. Je n'ai entendu personne. Parler de ce qui se passait dans le film des Mignons. Enfin, tu vois, genre, je vois à peine l'histoire. Tu l'as dit, il y a un mignon qui dit banana. Oui, voilà. non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que dans l'animation, je grossis peut-être un peu le truc, mais peut-être que dans l'animation, c'est encore plus flagrant ce côté. on fait un film pour le marketing et pour vendre des jouets au final. Après, heureusement, il y a quand même des films d'animation qui sont quand même de qualité, malgré le fait qu'ils vendent des jouets. Mais peut-être que c'est encore plus prégnant quand c'est des films pour les enfants, peut-être de base. De toute façon, c'est pas forcément le cas de l'animation. Et Bastien disait un truc intéressant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le principe, et de toute façon, de tous les blockbusters qu'on a listés, notamment qui sortent cette année, pour les 95%, c'est de remplir une case, en fait. C'est que vraiment, les studios, ils ont besoin de sortir un produit d'appel qui va faire parler de lui, qui va marcher. Et c'est là où tu vois, en fait, l'évolution du paradigme, où on parlait tout à l'heure de mecs comme Don Simpson et Jerry Bruckheimer, qui, en fait, tripaient. Ça les faisait marrer de faire un film en disant, ouais, si le bus s'arrête, il explose, putain, c'est génial. Et bon, ça les faisait marrer, donc ils disaient que ça allait faire marrer le public. Donc ça, évidemment, c'était gros. Ouais, non, mais bien sûr, c'était notamment Don Simpson qui avalait des. Il en est mort. Qui s'enfilait. Qui s'enfilait des kilomètres de cocaïne et tout ça. Mais je pense que c'est des mecs, en fait, ça les faisait marrer vraiment de faire ça et ça les faisait triper de pitcher un truc pas possible et de se dire, vas-y, on va essayer, on va trouver un réel assez con pour le faire et on va voir ce que ça donne, tu vois. Et ils sont tombés sur. C'est pas beau l'Amérique. Non, mais... En plus, leur calcul était intéressant parce qu'ils sont quand même. C'était Tony Scott quand même, le réel un peu con, c'est cool. Il y a eu quand même des mecs intéressants qui sont sortis de ça, quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Speed, on en a. C'est Yann de Bont. Yann de Bont, ouais. Mais enfin, et un peu John McTiernan, mais bon, ça, je n'en dis pas trop ça. Ah, ça c'est... Ils étaient copains, ils étaient copains. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé au cas où, en fait, ils ont. Évidemment, celui auquel on pense le plus vite, c'est Disney, qui a un line-up à remplir avec tant de films labellisés Marvel, tant de films labellisés Disney, etc. Et qui vont. En fait, ils envoient carrément des dossiers à des réalisateurs en faisant un appel d'offres. Et notamment, c'est clé en main. Il n'y a plus qu'à venir à dire action. Avengers, c'est un des cas les plus connus. Avengers, ils avaient envoyé un dossier avec des comics en disant on va réaliser l'adaptation de ce truc-là. Ouais. Voilà plusieurs histoires. Est-ce que ça vous intéresse? Et c'est Sam Mendes qui expliquait ça, comme quoi Sam Mendes a été approché pour faire Avengers. Et c'était tombé dans les mains de quel réalisateur français aussi? Jance. Le Terrier, je crois qu'il avait été approché parce qu'il avait fait Hulk. Mais non, il y avait aussi le mec. Ah oui, Xavier Jance. Le mec qui a fait Dark Cold Skin et tout, ouais. Ouais, il y avait des gens qui étaient approchés pour Captain Marvel, qui a refusé. Budapest aussi. Et qui a fait Budapest aussi. Mais et en fait, tu vois que on n'est même plus dans cette logique de vas-y, on a un scénar un peu rigolo, on va essayer de le mettre en boîte. Maintenant, en fait, c'est juste, il faut qu'on ait un produit qui sorte. Et on a ce produit d'appel. Qui plus est, si on a une marque qui va parler aux gens, c'est encore mieux. Et alors, c'est marrant parce que, par exemple, le moment où on enregistre la semaine prochaine, il y a Skyscraper qui sort avec Dwayne Johnson. Bon, qui a l'air d'être quand même un gros remake de Die Hard un peu pété, etc. Mais qui est, entre guillemets, un peu un film labellisé original, puisque c'est un nom Skyscraper qu'on n'a jamais vu au cinéma. Et tu te dis, il lui manque une jambe, bordel. Oui, c'est Die Hard avec une prothèse. Oui, c'est Die Hard avec une prothèse en Chine, tu vois. C'est vrai? C'est pas le truc le plus révolutionnaire du monde, mais en soi, c'est quand même délirant de se dire que ce truc-là, qui avait l'air d'être le truc le moins inspiré de la planète, c'est un, entre guillemets, un film original. Merde, mais là, tu rentres dans une autre problématique que celle du cynisme. Le blockbuster est ce qu'il est aussi aujourd'hui. C'est qu'il est dirigé. Il y a une problématique qui est différente, qui est plus, tu peux généraliser plus que le cinéma, même d'ailleurs. Ouais, mais tu vois, il y a un dossier qui fonctionne là-dessus, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec George Lucas et Steven Spielberg, qui se disaient que de toute façon, voilà, c'est cette logique de franchise, et c'est McTiernan qui disait en masterclass qu'aujourd'hui, les cinémas, les multiplex, c'était juste des supermarchés dans lequel il fallait mettre des produits dans le rayon. Ouais, et évidemment, il parlait du 4e Avengers, du 150e Iron Man, etc. Et c'est vrai qu'en fait, cette logique-là de blockbuster un peu expérimental, un peu délire, on va se dire, tiens, on va prendre un concept à la con, genre tel film rencontre tel film, paf. En fait, on n'en est même plus là. On a une logique que, bon, vous avez aimé telle franchise, on va vous servir l'épisode 42. C'est des tableurs Excel. Jump Street at 21 Jump Street, Men in Black. Mais c'est ce qu'on exprime vachement bien ça. Ouais. On peut peut-être en venir à cette partie-là. Après, on fera rapidement peut-être les films de l'année vite fait. Vite fait, s'il vous plaît. Mais on peut peut-être en venir à au dark side de cette histoire du blockbuster, qui est qu'effectivement il y a. Là, tu nous mettrais une petite musique dramatique, Antoine, s'il te plaît. Mais oui, c'était cette forme de effectivement de cynisme qui est que. En plus, le pire, c'est que tout le monde s'en rend compte. C'est ça, tout le monde en est conscient. Tout le monde en est conscient, cette histoire de. Je sais que Lucas, quand on préparait l'émission, parlait de sortie de Disney maintenant, qui a quand même Star Wars, Marvel, Pixar, et peut-être bientôt la Fox, sortie 2, qu'est-ce qui reste au final? C'est, est-ce qu'il reste les Dwayne Johnson movies? Bah, il reste Fast and Furious. Il reste Fast and Furious, il reste Mission Impossible. Il reste, ouais, bah, Paramount, ils sont plus que ça. Et hein, globalement, parce que même si on dit que genre, les trucs genre Deadpool, c'est pas Marvel, c'est Sony, machin, on peut dire que globalement, le c'est Fox. C'est Fox. Sony, ils ont Venom cette année. Ils sont contents. Ah oui, on a oui. Mais bref, tout ça pour dire que le public en est conscient, et il en est encore plus conscient quand le film est mauvais, j'ai envie de dire presque. Enfin, quand le film est, je sais pas, officiellement mauvais, enfin, je sais pas, en fait, je m'en rends pas compte. Mais tout ça pour dire que pour les films de Warner, le DC Universe, ça s'est montré, ce côté, ce qu'on pouvait reprocher aux films de Batman et de machin, de Justice League et tout. On pourrait très bien le reprocher au Marvel au final, c'est juste que bah, c'est coup, que il y a ce Marvel côté tellement industrialisé, voilà, que on te dit bah ouais, mais au final c'est ton nouvel épisode de ta série, donc même si tu l'aimes pas, bah ça fait partie d'un tout, et c'est ce qui fait que bah t'as le dernier Avengers qui a cartonné, et qui personnellement j'ai trouvé plutôt pas mal. Mais quand on te fait un build-up de 10 ans sur un film, heureusement que c'est pas trop mal, tu vois. C'est Bradbird qui disait ça en interview, c'était une interview dans Première, je crois qu'il avait fait, où il disait que justement il était dans la salle de cinéma pour aller voir Avengers, qu'il citait pas, mais il comprenait que c'était ouais. Avengers, et il était à côté d'un mec, et donc le film se passe, et bon voilà, c'est pas ce qui se passe pour Bradbird qui voit Avengers, mais lui ça bouge pas trop, ça move pas trop, et là oui ok, c'est très bien, c'est du bon ouais. Popcorn. Et à la fin, il est hyper critique, hein, il trouve ouais. Ça à chier, un peu violent. Non, il dit pas ça, ouais. Ouais. Il dit que c'est froid, il dit que ça explose et qu'il en retient que dalle, quoi. Oui. Parce que c'est pas là, pas là où je veux venir. Mais soyons précis. Tu commences en disant des mensonges aux gens, déjà. Je dis pas des mensonges, Jean-Jolive. C'est le cynisme, le cynisme. Monsieur Rénal, les Français veulent des réponses. Bref, à la fin du film, le mec qui est assis à côté de lui, se retourne vers lui, lui fait ah putain, c'était génial. Et lui, je sais pas s'il aurait torqué, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit en interview. Je suis Brad Bird, je suis Brad Bird. Tu veux un pince? Qui le fait pour moi, c'est pas ça. Un film génial, si le film avait vraiment été génial, je t'aurais vu te retourner, sursauter, crier, ressentir des émotions, ce que tu n'as pas eu devant le film, quoi. Voilà, en gros. Et je trouve que ça résume assez bien le problème de ces trucs-là. On te dit, on te vend le truc, on te dit c'est comme ça, ça va être comme ça, tu vas ressentir ça, ça va être fou. Et du coup, tu l'as emmagasiné, tu vois le film, et tu fais ok, je l'ai vu, donc j'ai automatiquement ressenti ça, même si je l'ai pas ressenti. Du coup, ouais, mais... je peux dire sur les réseaux sociaux, j'ai ressenti ça, c'était ouf. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ça rejoint aussi un peu ce qu'on entend par exemple de l'année 82, où on s'était fait une réflexion avec des copains il y a pas longtemps, où on se disait c'est quoi le dernier film culte? C'est quand tu parles aux gens, c'est bien quoi sûr. Le dernier film culte? Moi, parce que ça m'arrive de tout le monde te parle d'Avengers. Genre le dernier, ouais, tout le monde oublie Avengers, tu vois. Ouais. Ça a beau avoir été un méga carton en 2012, les gens s'en souviennent plus. Parce qu'entre temps, ils ont eu le 2, ils ont eu le 3, et puis ils les oublient au fur et à mesure parce qu'il y a le nouveau qui sort, tu vois. Et en fait, c'est un film culte, après, c'est que t'as eu aussi un peu de temps pour le. Oui, mais justement, t'as l'impression que les gens aujourd'hui, tu vois, les nouveaux Star Wars, comme il y a le prochain. Enfin, au moment où le nouveau sort, les précédents n'en parlent plus. Moi, ce qui m'a fait le plus de mal là, c'est de me dire que genre j'ai vu Solo. Et ça m'a laissé indifférent, genre. Enfin, tu sais, je me suis dit. T'as fallu attendre jusqu'à Solo pour que je te laisse indifférent. Et aussi, c'est ce qu'on m'a ressorti. On m'a dit, il a fallu que t'attendes Solo pour te rendre compte de ça. Non, mais c'est moins pire des. Oui, moi aussi, c'est sérieux, le regardable de tous les Star Wars de Disney. Mais c'est pas pour autant que je m'en souviendrai. Mais enfin, je sais que par exemple, c'est un auteur dont on a parlé de temps en temps, et c'est vrai que quand tu poses la question aux gens en disant, ouais, c'est pour toi, c'est quoi le dernier film shoot machin, les gens te citent Inception. Ah ouais. Ça m'étonnerait pas que des films de Nolan soient dans les. Ou Interstellar, oui, les... ouais. Qu'on aime ou pas, il a eu le mérite d'imposer sa patte et d'imposer un certain style quand même. Ouais, qui a été, moi je pense qu'elle est reproduit. Il y avait une histoire, il y avait un univers. Côtés. Après, je sais pas à quel. Parce que tu vois, Lucas dit Mad Max et tout. Moi, je. Et Fury Road, c'est quelles années. Non, mais quelle année tu prends en temps. Parce que moi, par exemple, les films de Tarantino, tu vois, à chaque fois, je me dis, ouais, c'est quand même. Enfin, le dernier. Les 8 salopards. C'est quoi l'histoire de Tarantino? L'histoire retiendra Pulp Fiction essentiellement et Kill Bill. Kill Bill. C'est vrai que pour le coup c'est hyper difficile à juger ça, mais on en reparle dans 20 ans. C'est vrai que dans 20 ans on écoute Astrix Tré et on fera un bilan. Non, bien sûr, non, mais je suis d'accord, et je pense que aussi pour le coup des films d'animation aussi peuvent avoir vraiment marqué, tu vois. Moi, je pense que les Pixar, Toy Story, c'est définitivement culte, hein, maintenant déjà avec un peu de recul. Ça remonte, Toy Story, c'est 95, Toy Story 94, non? Oui, non, mais je suis d'accord que le recul c'est hyper important, et qu'effectivement on peut peut-être pas là se dire ouais, t'es un tel pour le coup sans le recul. Moi, le seul film que je pourrais juger à ce niveau-là, ça serait Fury Road. Pour moi, Fury Road, c'est ouais. Ça, c'est évident, ça te saute à la gueule. Il y a tellement de niveaux lecture, tellement de choses là-dedans qu'avec le recul, tu sens même qu'avec le recul, ça pourra prendre que de l'ampleur. Et je suis content que t'aies passé Baby Driver. Ouais, Baby Driver. Bastien. Non, je reste objectif. Non, parce que Baby Driver, mais il sera peut-être culte, mais ça reste un film de série B pour le tour du cinéma. Tu vois, et vous pensez que je pense que celui dont les gens se souviennent le plus pour le coup de Icarus, c'est Shaun of the Dead. Ah, tu penses? C'est quoi? T'as dit, vous avez dit en même temps Scott Pilgrim. Moi, j'ai dit Shaun of the Dead. Moi, j'ai dit Shaun of the Dead. Enfin, peut-être maintenant aussi, mais au début, ça avait pas d'impact aux États-Unis, tu vois. C'était plus un truc européen. Non, mais l'aura culte, il a eu très rapidement. Mais il l'a eu rapidement. Mais après, c'est un petit film, je pense que Scott Pilgrim, avec le temps, en fait, comme ça parle très bien de jeux vidéo notamment, peut-être. Ça finira par revenir, quoi. Bon, du coup, je suppose que pour ce qui est de la France, on a fait le tour. En termes de. On va pas parler de la France le lendemain. Fête du cinéma, on enregistre le lendemain de la fin de la fête du cinéma. Bilan assez catastrophique, non, la fête du cinéma. Cette année, moins 16%. Ah ouais, c'est tout. Ouais. 2,7 millions. Enfin, en même temps, ils sont mal tombés. Hein. Je veux dire, très peu de promotion. Pendant la Coupe du Monde, une espèce de chaleur. J'ai reçu le communiqué de presse et ils citent expressément les vagues de chaleur. Ah ouais, ah ouais. Oh, ouais, il faisait trop chaud, les gens allaient pas au cinéma. Pourtant, il y a la clim. C'est génial, il y a personne et il y a la clim, c'est parfait. C'est l'effet inverse des États-Unis en fait. Oui, ouais. Ah, oui, les États-Unis enregistrent des fréquentations énormissimes. Est-ce que ça serait pas la clim? Ouais, ça bah, mais est-ce que ça serait pas plus la Coupe du Monde que les. Que les bah, je pense que c'est, chaleurs, c'est les deux, c'est tout. C'est les deux. Ouais, c'est les deux. Mais il n'y avait pas. Non plus et aussi, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas eu du tout. Ouais, il y avait. Mais il y avait Budapest. Il n'y a pas de Shrek 2. Et le Doudou, je veux dire. Pour le coup, le Dragon 2, comme. Il y avait les Indestructibles. Les Indestructibles 2 qui a marché, qui a eu son effet le premier jour. De quoi? Les Indestructibles? Dès le premier jour, les Indestructibles 2 a montré que l'appel a marché. C'est récent, ça. Oui, c'est récent. Récent qu'ils aient tendu au mercredi la fête oui. du cinéma. Oui, ouais. À raison, visiblement. Comme ils ont fait pour le printemps ans, du cinéma aussi. Ouais. Le printemps du cinéma pareil, aussi, ouais. Avant c'était pas le mercredi. Hein. C'est vrai que bah, tu citais Shrek tout à l'heure, par exemple, moi je me souviens que l'une des fêtes de cinéma que j'avais fait quand j'étais gamin, c'était parce qu'il y avait Shrek 2. Ouais, Shrek 2, ouais. Et les gens se rouaient juste succès, pour avoir Shrek 2 à Shrek 4 balles, quoi. Ouais. En plus, à l'époque, c'était moins cher, mais. J'avais pareil aussi. T'as le syndrome film d'animation, fait du cinéma, forcément, ça match, quoi. L'année de Shrek 2, ouais, c'était en 2004, et il y avait du coup, je crois que c'est la plus grosse année. Il y avait Starsky Hutch. 4,3 millions d'entrées. Il y avait Shrek 2, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ouais, ça a et Double Zéro, qui en France avait. Cartonné Double Zéro. Qui avait ramené beaucoup de gens en salle, et il me semble que c'est la plus grosse année. Ensuite, t'as l'année. Je vois le dernier film culte, Double Zéro. Et en 2009, 4,6 millions d'entrées. Parce qu'il y avait L'Âge de Glace 3, Transformers 2 et Very Bad Trip, effectivement, en 2009. Et la troisième année, c'était 4 millions d'entrées. Et c'était en 97, où il y avait Menteur, Menteur. Le cinquième élément est La Vérité, si je mens. Menteur, Menteur, c'était bon, ça. Et d'ailleurs, tiens, voilà, juste vite fait sur les. Avant, on n'en parle plus. Sur ces histoires de films cultes, je pense que les comédies, tu vois, là, quand on en parle. Non, mais tu vois, les comédies, quand on en parle dans les films cultes. OSS. OSS. Mmh. Cléopâtre. C'est plus vieux déjà. Non, Cléopâtre. C'est plus vieux, mais c'est pas Toy Story, tu vois. Genre, ouais. C'est, tu trouves que c'est pas culte, Mission c'est Cléopâtre culte pour une génération. Oui, enfin, d'accord. Non, mais il n'y a pas de temps. Ouais, parce oui, que les gamins d'accord. aujourd'hui seront moins. C'est des blagues ultra référentielles. Tu montres à des gamins d'aujourd'hui Mission Cléopâtre, ils comprennent pas la moitié de la blague. C'est moins culte qu'un Jurassic Park, tu vois, mais je sais pas. Tous les films de Shabba. Le dîner de con, c'est culte, tu vois. Le dîner de con, c'est culte, génération ou pas génération. Les OSS, pareil. Je pense que la comédie, elle se prête. Enfin, en tout cas, en France, encore une fois, c'est peut-être parce qu'on a que ça. Je pense que Mission Cléopâtre, c'est le film que tu vas mater à la télé à chaque fois qu'il passe, tu vas te fendre la gueule, ton fils sera là à côté, mais pourquoi tu te marres pas, papa? Ah, je pense pas. Je pense qu'il y a quand même des blagues qui sont un peu intemporelles dans. Bah oui, expliquer Thierry, c'est un gosse. Alors, et c'est marrant, c'est exactement la blague que j'allais dire aussi pour dire. Non, mais il y a environ 322 blagues dans le film, t'es pas obligé de tout comprendre non plus. Oui. Tu peux y trouver ton compte, mais de manière générale, c'est quand même assez ciblé à une certaine époque. J'aime beaucoup le film, il n'y a pas de souci avec ça. Mais... Oh, j'ai compris, t'aimes pas Alain Chabat. Mais non, bah, tu sais quoi, t'es pas invité au Burger Quiz. Voilà. Oh, voilà. Non, t'as tout l'humour visuel, tout l'humour de. Enfin... Oui, non, c'est vrai, il y a l'humour de. Tout l'humour cartoon. Il y a des blagues cons. On me voit, franchement, on me voit, on me voit plus, on me voit plus, on me voit, t'as pas besoin d'avoir vécu dans une époque pour le comprendre. Non, exactement. Je suis d'accord, mais il y a quand même. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Je dis pas que j'aime pas, je peux être un peu objectif quand même. On peut avoir du recul sur les choses qu'on aime. D'accord. Et c'est bien, il faut. Tomb Raider, Pacific Rim 2, aïe. Ready Player One, Taxi 5. Oh putain, sortez-moi de ça. Citer l'intrus. Mais c'est comme ça qu'a démarré l'été des blockbusters en France. En France, parce qu'il y a Taxi 5. Bon, en 2018, en tout cas. Ready Player One, c'est le seul qui a à peu près marché dans ce que tu as cité. D'où l'intrus. parce qu'effectivement, quand tu cites Alice. Donc Pacific Rim, ça n'a pas si bien marché que ça. Tomb Raider, ça a été hyper cher. On l'a vu, Pacific Rim 2 avec Jean-Victor. Et avec Willem. Et du coup, l'été, on a fait la liste. On a fait la liste avec Jean-Victor. On a fait le. Juste avant l'enregistrement, comme de façon très studieuse, comme des bacheliers avant l'heure du bac. On a fait la liste et du coup on a fait commencer l'été fin mars. Oui. Oui. Avec Tomb Raider. Mais c'est un truc qui au fur et à mesure, en fait, au fur et à mesure, ça s'étend. Il y a tellement de plus en parce que le blockbuster, on l'a cité tout à l'heure, en fait, à la base, c'est le gros film d'un studio. Oui. Sauf qu'à force de se faire la guéguerre puis d'être vénère parce qu'une telle année, bah, ils se sont pris un truc monstrueux en face et finalement leur gros film s'est fait péter la gueule, ils se sont mis à en faire plusieurs. Et jusqu'au point où il y a des embouteillages, je crois que la première année où ça a vraiment fait cet effet-là, c'était en 2009, je crois, où il y avait Captain America, il y avait les Schtroumpfs, il y avait Cowboy et Envahisseur, il y avait je sais plus quoi. Ouh là là. Non, mais, et en fait, toutes les semaines, il y en avait un. Il y avait Green Lantern, etc. Regarde à toi. Wow. Et, non, mais, et c'était concentré vraiment sur deux mois. Et ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, Jon Favreau avait fait en interview, il avait dit de toute façon, oui, cet été, on a trop, et il va y avoir des victimes. Et pas de bol, la victime, c'était lui, c'était puisque lui. Cowboy et Envahisseur, tout le monde s'en souvient, c'est rétamer la gueule. Une belle merde en même temps, il méritait que ça. Voilà. Fini à la pisse ce film. Donc voilà, maintenant, pardon. En fait, ils les font sortir de plus en plus tôt parce qu'ils c'est pour ils ça ont qu'il trop. A... Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Donc on a eu Tomb Raider. Donc on parlait du fait que l'été commence fin mars, ouais. Pour le cinéma. On a un petit truc. Putain, on a un petit. Ah oui, putain. On a beau dire. Hein. Mais. Donc on a eu Tomb Raider, on peut dire que c'est les grosses sorties qui commencent par là, même si au final on peut remonter un peu, mais c'est. On peut remonter même. On a Black Thor Panther. 3, Black Panther, tout ça. Mais au final, c'est là que ça commence à vraiment s'enchaîner en termes de un toutes les semaines, voire toutes les. Enfin, toutes les deux toutes semaines, voire toutes les semaines. Ouais. On a eu Tomb Raider, donc Pacific Rim 2. Donc que des films qui ont. Je sais pas si Tomb Raider a vraiment marché. Tomb Raider, ça a marché, ouais. Ça a pas coûté très cher, donc ça, en fait, ouais. C'est pas très grave. Oui, ils pourront faire un 2. Puis, bon, pire, la licence. On est content. Est-ce que Tomb Raider. Non, si, ils ont de quoi faire un 2. En fait. Non, moi, là, je veux pas. Non, mais au final, est-ce que Tomb Raider. Si ça marche pas au cinéma, c'est pas très grave. Hein. On a Shadow of the Tomb Raider qui vient d'être annoncé. Faut laisser tomber. On peut en faire. C'est. On peut laisser tomber. Je répète, je suis pas sûr que ce soit passé. Ready Player One. Ah, là on parle. Non, on parle pas parce qu'on a fait un épisode juste avant. Plus gros succès de Spielberg depuis longtemps. Depuis très longtemps. Ouais. Depuis Indiana Jones, je crois que ça avait mieux marché qu'Indiana Jones 4. Donc, beau succès. Ouais, c'est pas plus mal d'ailleurs. Que pas un énorme carton non plus, mais ça oui, a marché. Oui, qui a cartonné en Chine. Ouais. Ouais, et c'est important de le souligner. Ouais, bien bah, sûr, non, mais des marchés qui n'étaient pas là avant, enfin, au final. Oui, on n'a pas parlé, mais pour le coup, je rejette totalement Star Wars, c'est intéressant de le souligner. Peut-être non, mais voilà, des qui font un peu. Les fanboys des gens, ils rejettent. C'est vrai, c'est non, mais on peut indiquer ça aussi, que l'Asie chinoise, en marché tout cas. Très important. Non, mais fait changer la c'est plus grand marché de salle, en fait. On parlait de Valérian tout à l'heure. Il n'y a pas un seul blockbuster qui sorte maintenant, cette année en tout cas, qui n'est pas financé en partie par les Chinois. Voilà, et qui font gonfler énormément les recettes mondiales des films. Les gens ne comprennent pas pourquoi maintenant il y a des personnages chinois dans tous les blockbusters. C'est parce que ça va en Chine. C'est parce qu'il y a des sous-sous. Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est le cas dans ceux qu'on a cités, hein, Tomb Raider, Pacific Rim, il y a des Chinois. Ready Player One, c'est plus sous entendu, mais si, il y a des, y a des personnages asiatiques dedans. Mais c'est mieux intégré dans le film, évidemment. Ouais, les Shaito. Les samouraïs. Et puis on va parler des autres après. Les ninjas des samouraïs. T'as entendu comment il dit samouraï? Comme dans les Jeff Tuch. Comme dans les Tuches. Ils sont samouraïs. Kipi, kipi, kipi, kipi. Samouraï. Taxi 5. Ah, là aussi, il y a des Chinois, mais c'est pas pour la Chine. Qui l'a vu? Qui l'a vu? C'est bon, moi. Moi, je l'ai vu. Enfin, je l'ai vu, je l'ai subi. Hilar, je tiens à le signaler. La salle. Je l'ai vu dans une petite salle. Mais vraiment, mort de rien. Il se force. On appelle ça la France, monsieur. Mais non, mais je sais pas, je me dis que c'est moi qui ai un problème quand je vois ça. Non, mais il se force un petit peu, je pense. Tu penses? Mmh. Oui, tu. Ouais. Et j'y réfléchissais pendant le film. Quand tu payes la place 15 euros, tu te forces peut-être un peu. Ouais. Non, mais je me suis vraiment dit, les gens, ils se disent, on va voir une comédie, on dit que c'était drôle. Il y a des petits jeunes qui sont censés faire rire. Il faut que je rigole. Un peu culte parce que c'était pas drôle, tu vois. Moi, je pense que, ouais, il y a aussi ça. Je pense qu'il y a un aspect culte, ouais. Faussement. Est-ce que c'est pas une forme de. Est-ce que c'est pas lié au monde dans lequel. Mais c'est ça. Est-ce que c'est pas lié justement au monde dans lequel on dit qu'on est anxiogène au plus haut point. On te propose un film qui te propose de retrouver ce petit plaisir d'enfance, ouais, ce petit plaisir de jeunesse. Et tu prends tout ce qui passe, quoi. Le moindre truc, tu. Oh, c'est parce que quand tu revois les premiers. Enfin, moi, je me souviens, le 2 est passé il y a pas longtemps à la télé. Je suis resté 10 minutes devant. Ça a très mal vieilli. Abominable. Ça a très mal vieilli. C'était une purge. Ouais, mais les tactiques sont très mal vieillies. Je m'en rendais pas compte. C'est très mal vieilli. Déjà, c'est ni fait ni à faire et c'est ultra raciste, ultra misogyne, ultra tout ce que tu veux. C'est dégueulasse comme film. C'est hardcore. Les taxis. Bien sûr, bien sûr. Je me suis fait un marathon récemment. C'est hardcore. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Je confesse que j'hésitais. On s'est tous retourné la couche. Je confesse que j'hésitais de me faire 1, 2, 3, 4 à la suite. Moi, je voulais me tenter le 4. Mais le 5ème, c'est aberrant parce que c'est vrai. Parce qu'ils vont, dans le 3, ils ont vraiment envie de se faire du pognon. Ils ont vraiment envie de se faire du pognon. Ils veulent rendre une sorte d'hommage un peu nul au précédent film où ils se disent ah, mais Sami Nasri est pas là. Coucou, on le montrera pas. Ils montrent des images d'archives, hein, ouais, genre des précédents films et tout. Il y a Sami. Il y a eu ce mec-là qui a existé. Et là, je parle des clips à deux balles maintenant. Avengers 3. Là, pour le coup, on parle à défaut de films culte, on va partir de, on parle quand même de, qu'on aime ou pas, ça reste quelque chose qui va quand même marquer l'histoire du cinéma. Bien sûr. Personne, enfin, ça n'était jamais arrivé, ce genre de truc. C'est le rendez-vous, en fait. Ouais. C'est-à-dire que les gens, ils vont pas parce qu'ils créer à ce point-là un rendez-vous, quand même, tous les films, tous les trois. C'est que les gens, ils ont pas. Ils ont un investissement de 10 ans, le film, c'est parce qu'ils ont vu les autres, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est terrible. Pour les spectateurs, ça marche avec une régularité, c'est horloger. Pour Disney et pour les spectateurs, c'est un investissement, tu vois, genre de temps, d'argent, de machin. Tu peux pas ne pas aller le voir, en fait. Et puis, c'est en plus, c'est le film dont tout le monde va parler. Enfin, ça y est, c'est plié. Tu peux pas. Tu vois, non, mais ce qui est marrant, c'est que le film a à ce point trouvé la recette ultime. C'est le film qui a montré que ils avaient eu raison de le faire pendant 10 ans. Ce qui est drôle, c'est que tout le monde en a parlé. Tu vois, les gens n'en parlent plus maintenant, quoi. Ça fait 2 mois, c'est fini, c'est passé. Ouais. On a eu 3 théories à la con sur le prochain et on n'en parlera plus jusqu'au 4, quoi. Non, bien sûr, bah jusqu'au prochain qui est Ant-Man and the Wasp, là, bientôt, qui sort mi-juillet ou fin juillet. Non, mais oui, bien sûr. On te prépare le truc de la suite. C'était le season final. Ant-Man and the Wasp, pour le coup, je peux en parler parce que je l'ai vu. Ouais. C'est assez marrant parce que si les gens veulent le voir pour le lien avec Infinity War. Ça se passe pendant, là, vraiment, ou c'est avant? Le seul lien avec Infinity War, c'est la première scène post-générique. Ah, ouais, la première scène. Donc en fait, vous pouvez aller voir la scène post-générique. Vous pouvez aller voir Ant-Man 2 en ayant juste vu le premier. Et bon, il parle plus à la limite de Civil War parce qu'on voyait Ant-Man dans Civil War. Ouais. Mais en soi, en fait, t'as pas besoin d'avoir vu Avengers Infinity War pour comprendre ce qui se passe dans le film, quoi. Super. super. Et c'est fait exprès. Je peux déjà vous le dire, n'attendez pas la deuxième scène post-générique, elle est déjà dans la bonne annonce. C'est un plan qui est dans le trailer, en fait. C'est la fourmi qui fait de la batterie. Exactement. La deuxième scène post-générique, donc quand tu t'es tapé tout le déroulant, en fait, c'est juste une caméra qui rentre dans une maison et tu vois une fourmi qui fait de la batterie. C'est le petit plus contrebande. Ouais. On vous épargne 10 minutes de générique. Voilà. Donc, désolé ceux qui sont vénères, en même temps, je pense pas avoir spoilé grand chose. Moi, je suis très content parce que ça veut dire que je vais pouvoir le dire aux gens dans les salles. À la fin, il y a une fourmi qui fait de la batterie. Vous voulez voir, ils vont dire oui. C'est sûr, pour Jurassic World, c'était pareil. Genre, disait c'est deux ptérodactyles sur une fausse tour Eiffel. Ah bon, on va regarder. Eh ben voilà. J'aurais mieux fait de dire il y a une scène post-générique. Non. Voilà. C'est tout. Je ferai ça. Oui. Rampage après Avengers. Ah, bon dos. Il y a aussi un doigt d'honneur fièrement adressé au public. Hein. Je mais bien sûr. Il y a un singe qui fait des imitations d'actes sexuels aussi. Mmh. Avec les doigts. C'était bien. C'est pas mal. C'est pas très radiophonique, ce que je fais, mais. Ça a pas mal. Moi, ça a pas mal marché, Rampage. L'effet The Rock. Alors, ouais, j'avoue que j'ai un vrai plaisir régressif, moi, avec The Rock, quand même. On en avait parlé dans Rampage, dans les Cool New Los F. Les années 90, à l'époque des volcanos, des pics de dents, et autres conneries de ce type-là, et ça m'éclate. Qui sont des blockbusters des années 90. C'est un pur plaisir régressif, et j'avoue que je prends beaucoup de plaisir devant chaque film avec Dwayne Johnson, San Andreas, tous ces trucs-là. Alors que c'est pas des bons films. Non, pas du tout. Ça l'est pas du tout, mais Doom, ça l'éclate. Doom, Bienvenue de la Jungle. Ouais, mais Voyage au centre de la Terre 2, j'ai kiffé. Ouais, Voyage au centre de la Terre 2, c'est marrant, tu vois. Mais ouais, bah on en était dans l'idée, je faisais ça comme une blague au début, mais c'est dans l'idée de la junk food un peu. Hein. Ouais, clairement. C'est pur plaisir. Mais lui, il a compris, hein, même si le seul truc sur lequel ça a merdé pour lui, c'était Baywatch. Alors, t'as mal les pour le coup, t'es vraiment mauvais. Hein. Mais les autres, Jumanji, c'est un succès surprise monstrueux. Les gars, ils ont tapé le milliard, ils ont pas compris comment. Ouais. On a eu Deadpool après, Deadpool 2. Ah bon, bel étron ça quand même. Après avoir vu le 1, je me suis dit, pour le 2, ils ont pas intérêt à se louper dans cette idée de. Ok, on a fait tous les poncifs dans le 1 de l'Origin Story de machin. Dans le 2, ils ont intérêt à vraiment être originaux. Ben spoiler non. They did not It's a trap. Et ça a foiré dans le 2. Non, mais c'est-à-dire que voilà, le 2 est moins bon que le 1. À tout point de vue. Non, mais déjà sans que le premier ait 8 ans d'écriture, pas, et le deuxième ait 8 mois. Quoi. Le premier, c'était un film. Bon, c'était un petit film en soi. Voilà. C'est pas un gros budget, mais c'était un film soigné. Mine de rien, grâce à notamment à Tim Miller, hein, notamment. Alors que là, en plus, j'étais totalement enfui du deuxième. J'étais super excité pour le deuxième parce qu'il y avait forcément un mec dont j'ai oublié le nom. Le cascadeur, le chorégraphe. Ouais. Il y a Julien. Il y a Chad Stahelski et il y a. Merde, aidez-moi. David Leitch, putain. Ouais, David Leitch. Donc moi j'étais super excité par Deadpool 2 parce que c'était David Leitch, un des coréals de John Wick et le mec qui avait réalisé Atomic Blonde, et je me disais que ce mec-là, on va avoir des scènes d'action un peu canon. Et non. Et en fait, comme ils ont fait le film en 4 mois, tu sens que le mec, il est arrivé avec un plan genre ouais, alors là il se bat contre des mecs dans des bains avec des sabres, avec des katanas et tout. Putain, la scène ne ressemble à rien, mais parce qu'ils ont dû dire, mec, t'as une demi-journée pour la faire et c'est pas autrement, quoi. Donc, ah ouais, ça tout le côté plan séquence un peu percutant de ces précédents films, plus rien, c'est du surdécoupage dégueulasse, c'est des fonds verts. Les scènes d'action sont chiantes, en fait. Ouais. Enfin, c'est... Alors que t'as des trucs qui pourraient être. C'est une super idée de mise en scène. Ah ouais, mais et il n'en fait rien du tout. Filer ça à Brad Bird, bordel. Ah ouais, non, mais clairement, filer ça. Ouais, bien sûr. Un mec qui a le temps de filmer déjà, quoi. Non, mais oui, en tout cas, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu faisais un avec des poses de Deadpool. Je faisais des... Ah putain, j'avoue. Putain. Ouais. Mais rien d'y penser, ça me vénère en fait. Tu fais comme Deadpool, ça te vénère. La seule bonne idée du film, c'était Jeff. Non, j'ai fait un cœur avec les doigts. Effectivement, il me rappelle que la réappropriation jusqu'à la dernière couche de la pop culture, de tout ce qui existe sur les internets. Ah oui, bien sûr, c'est de la fausse même culture. Parce que moi, ce qui je trouvais aberrant, c'était de voir que les gens rigolaient dans la salle aux blagues. Sur le MCU, le DCU et tout. Et que à ces blagues-là. Le pire, c'était la scène post-générique. Et que à ces blagues-là. Vous vous en souvenez où les moitié méta. Les scènes post-génériques, il y en a plusieurs. Mais moi, je trouve que c'est ce qui est le plus inspiré dans le film. Oui, je suis d'accord. Mais attends, mais moi, j'avais des mecs derrière moi qui étaient hystériques. Oui. Mais même le mec est venu pour nettoyer la salle qui dit attendez les gars, c'est génial, c'est ouf ce qui se passe. Bah, c'est un des trucs. Il est viré celui-là. Mais calmez-vous, les gars. Revoyez Invasion San Andreas et Carpenter. Oui, mais tu vois, Reynolds, ouais. Confond les bolgues d'Hollywood. Bah, limite, tu vois, il allait enfin au bout de sa connerie sur l'aspect bon, j'ai merdé, je m'en excuse, ok, j'ai fait de la merde. Non, bien sûr, mais tu vois, le voir se tuer lui-même dans. Bon. Ouais, c'était mais c'est marrant, facile, quoi. Putain. Oui, ça avait de ça pendant tout le film, oui, d'accord, mais là. Non, mais ce que je trouvais fou, moi, c'est encore plus frustrant de voir ça en scène post-générique. Et je trouve ça fou dans les films en général, mais c'est que les gens rient aux blagues. Non seulement là, les blagues, c'était des blagues méta, entre guillemets. Sur le MCU, DCU et tout, qui était dans la bande-annonce. Ouais, tu vois ouais. Genre, et les gens rient quand même à ça. T'es aussi dark que Thanos. Tu viens de l'univers DC. Ouais. Enfin bref, et c'était ça qui faisait rire le plus. Enfin bref. Mais. Lucas découvre les blagues de Deadpool. J'ai pas vu le film et du coup, je me dis putain. Ça a l'air. Sorti il y a un mois et demi là. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, il est chiant le film. C'est les trois quarts des blagues tombent complètement à plat parce qu'elles sont pas filmées. Et elles durent trop longtemps. C'est-à-dire que le film a plus le sens du rythme et du timing et de faire tomber la blague au bon moment. Et t'as plus ce côté révérencieux où dans le premier, il était quand même un peu con le mec. Tu vois, genre à un moment, il allait frapper une meuf puis il s'est arrêté en faisant attends, c'est peut-être sexy ce que j'ai fait. Là, le 2, c'est juste t'es comme dans un film d'essai. Ok, super mec. Ouais. Bah, parce qu'on a compris que c'était ça qui faisait rire les. D'essai, mort. Mais ça, c'est drôle. Bon, voilà, on peut enchaîner. Tu peux écrire le 3 si tu veux. Bon, ensuite, rapidement, on a eu Solo. Voilà. Ensuite, on a eu Jurassic World. Non, Solo. Solo, en apologie, on peut en parler 3 secondes parce que c'est le premier vrai signe de fatigue de la méthode Disney. Quoi. Ils l'ont dit de suite, hein, Disney réagit immédiatement. Bah on fera plus de. Non, ça, c'est peut-être pas ça. C'est Oui. Ouais. Ils ont dit on va peut-être. Parce qu'il y avait une rumeur d'annulation des spin-offs, ça c'est faux, mais effectivement, ils ont dit qu'ils avaient sorti le film trop vite. Ils allaient se passer un petit peu plus. Ouais, mais ils ont compris, c'est bien. C'est-à-dire qu'on vous a laissé 2 jours et demi entre le précédent et celui-ci. Vous êtes toujours en train de respirer l'air du précédent, on va attendre un petit peu. En fait, ils ont appliqué la méthode Marvel qui marche chez Marvel, parce que moi, je me souviens quand sortait Avengers 3, il y avait encore Black Panther. C'est déjà ça les comics, en fait. C'est que tu attends l'issue d'après. Que Star Wars, c'est censé être un événement, et là, c'en est plus. Ils l'ont pompé comme ils ont pompé les Marvel, sauf que Marvel, à la limite, ils ont fait qu'adapter ce qui était déjà le cas dans les comics, tu vois. Et Star Wars, tu peux pas faire ça avec Star Wars. Il avait une mauvaise presse dès le début, avec les problèmes de tournage et tout ça qu'il a eu. Personne l'attendait, en fait. À Cannes, il est passé inaperçu, les gens s'en foutaient totalement, donc ouais. Puis il y a eu toute la pseudo-polémique avec la photo trop sombre, ou c'est pas quoi, selon les salles de ciné, on voyait rien, les gens gueulent. C'est vrai que pour le coup, la photo est sombre. Moi, j'aime bien le film, mais. Oui, la photo est sombre, mais après, c'est là où si ça met en avant. Si t'as un projecteur qui est pas très bien calé, ça met en avant les problématiques chiant, de multiplex qui sous-expose leur. Faut qu'on change la lampe depuis 3 mois. Oh, bah les cons, ils vont rien voir, c'est cool. J'ai des noms. Mais oui, Solo, oui, effectivement, le film qui a fait se rendre compte à Pépère et à beaucoup de gens que Star Wars. Calmez les gars. Que là, ça, c'était triste que Star Wars faisait plus aucun effet, quoi. C'est-à-dire, on te montre plein de trucs qui s'agitent et des petites figurines qui s'agitent et tu dis, ah, en fait, c'est ça, en fait, que les gens disaient. Que bah, je disais à Bastien, t'es méchant quand même avec Star Wars. Ah, avec des acteurs un peu fades, non ? Non, mais en fait, ce qui est drôle avec Solo. Avec des acteurs un peu fades ? Il y a peut-être un peu. Encore, c'est pas des mauvais acteurs en personne. Pour le coup, moi j'ai plutôt bien aimé quand même Solo. J'ai passé un bon moment. Ouais, moi je trouve que le film d'aventure old school, un truc un peu à l'ancienne où j'avais vraiment cette impression d'avoir un feeling old school. Franchement, vraiment. On te dit plein de choses sur un personnage que t'as pas envie de beaucoup d'ailleurs. La BO de John Paul, c'est formidable. Mais en fait, moi, la BO est pas mal. L'effet que ça m'a fait, qui est assez terrible, c'est qu'en soi, j'avais complètement oublié que devant le personnage qu'elle allait devenir ouais, Solo. Ouais. Finalement, t'enlèves tous les éléments de Star Wars et t'as un super film d'aventure à l'ancienne. Mais c'est con que ce soit Star Wars, du coup. Parce que c'est con que ce soit Solo. Bah oui, mais. Ouais. Et parce qu'en fait, c'est dès que ça essaie vraiment de raccorder les wagons avec les prochains et que ça devient chiant. C'est la dernière demi-heure qui est toute pourrie. Là-dessus, je suis assez d'accord. Mais la raison du film, c'est pas une excuse, tu vois. Mais je suis assez d'accord dans l'idée que, effectivement, si tu pars du principe que c'est pas un Star Wars, c'est sympa. Non, mais en fait, si tu pars du principe que c'est pas canonique, parce qu'en soi, moi, je trouvais que tu retrouvais un peu cet esprit dont on te montre un univers un peu fou. Tu réexplores enfin, depuis le début de Disney, moi, c'est le premier où j'ai eu l'impression de redécouvrir en fait des trucs que j'avais jamais vu dans l'univers de Star Wars. Tu vois, le braquage de train avec des pirates qui se foutent sur la gueule, j'étais, ok, j'ai jamais vu ça dans un Star Wars, c'est cool. Ce que tu veux dire. Le côté propagande de l'Empire, c'est une scène au début, mais je l'avais jamais vu. J'étais là, putain, c'est une bonne idée. Tu veux dire le film avec la marche de l'Empire, le spot dans la gare, tu vois. Non, je veux dire le fait que c'est un agent de l'Empire qui donne le nom de famille d'Han Solo. C'est ça que tu veux dire, tu parles de cette scène là. Je parlais de la propagande. Juste dans les dialogues, tout bêtement, j'avais pas retrouvé cet effet là depuis la trilogie originelle. Cet effet dans les dialogues, dans la manière d'expliquer des choses où ils te disent, où t'as cette impression d'avoir un univers immense en fait, où il y a plein de choses à explorer. Oui. Dans les dialogues, dans les petites bribes de dialogue, ils te disent, ouais, j'étais une fois de ce truc-là à ce point-là et ça a fait ça. Sans que ça te fasse référence à un truc que t'avais déjà vu avant. C'est quelque chose juste pour te donner l'impression d'un univers ultra dense où il y a plein de choses à voir. Moi, je trouve que c'était l'élément plus important du tout premier Star Wars. Moi, je trouve que c'était mieux amené dans Rogue One. Mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Bah, d'ailleurs, en parlant d'univers étendu sur ça, Jurassic World 2. Jurassic World Park 2. Jean-Antoine Bayonne. Jean-Antoine de Bayonne. Mais univers étendu, des méchants plus méchants, des méchants qui aiment l'argent, des gentils qui sont gentils, qui veulent sauver les gentils. Et un manoir. Et on peut dire une petite déception. Je vous invite à réécouter la contrebande où on disait oui, mais c'est Antonio Bayona. Mais effectivement, c'est Bayona. Attends, quoi que ce soit. Mais il a fait ce qu'il avait à faire sur le film. Franchement, je vois pas ce qu'il pouvait faire de plus sur un projet. Ouais, pareil. Mais il sauve pas le film en fait. Bah, je trouve que si. Sur plein de séquences, quand même, il y a plein de moments que je trouve assez ouf. Quand même. Moi, je trouve la première partie du film, toute la partie sur l'île, là, c'est plutôt bien maîtrisé quand même. Il y a plein de trucs qui marchent. Moi, c'est ce qui m'a saoulé, c'est qu'en soi, le film est bien fait, voire excellemment fait par moi. Il m'a rendu Chris Pratt supportable. Il y a des plans de ouf, mais moi, j'ai tellement envie de buter tout le monde au bout de 10 minutes qu'en fait, j'en ai rien à cirer de ce qui se passe. Ah non, pour le coup, je trouve le film vraiment pénible, aussi pénible que le premier, alors que t'as quand même un bon de réalisation qui est dingue. Ah non, il y a des vrais moments qui marchent. Je trouve juste ce truc tout con, la scène en soi est débile, mais juste le moment où ils partent de l'île avec ce montageur qui décède. Spoiler alerte. Non, si vous n'avez pas vu le film, il y a un non, mais je suis d'accord dans l'idée. La manière dont elle est faite est débile, mais la scène fonctionne. Il y a des vrais moments de mise en scène assez ouf, quoi, je trouve. Et c'est là où tu. Bah, peut-être que ça fait. C'est ce genre. Mine de rien, je trouve qu'il arrive à infuser un vrai truc en. Je finirai ma phrase tout à l'heure. Vas-y. Non, mais excuse-moi, William. Excuse-moi. Mais c'était juste pour dire que c'était pour accorder avec l'émission dont on est en train de faire là. Effectivement, on a ce côté, bah, t'as une franchise qui en plus a pas été lancée par n'importe qui, tu vois. Bah ouais. T'as une franchise, on t'a mis à l'écriture le réel du film d'avant, qui était un film de merde, mais qui a cartonné. Ah putain, ouais, 1,5 million. Qui a cartonné. Et on te met à l'arrière un très bon réalisateur quand même qui a quand même fait quelques preuves. Bah ça marche, ça donne ce que personnellement je me doutais que ça allait donner, c'est que bah c'est un film qui est plutôt bien réalisé mais qui reste un film mauvais, enfin tu vois, genre qui reste c'est bouillabaisse de blockbuster qu'on t'a fait. De, bah voilà, c'est quoi ? C'est de la promo, c'est de l'univers, c'est de la licence. C'est un réal, c'est un machin, et c'est de l'économie derrière par-dessus en glaçage. Et vous mettez au four pour 4 personnes. Et, à 210. Et, voilà. Et éventuellement, ça fera un peu d'argent. Tu vois, mais c'est, ouais, enfin, moi, c'est ce film qui te. Ouais, c'est le syndrome du. Pendant tout le film, tu te dis. Et tu vois, non, je pense que mine de rien, c'est le genre de film qui pourrait être réhabilité un petit peu dans quelques années, parce qu'on y verra des petites bribes de. Ah, tiens, il a quand même fait ce truc-là qui est un peu. Bon, moi, je pense qu'on toute la partie en chair, je trouve, avec les dinos et tout ça, là, sans vouloir en dire trop. Tu veux dire le fait que les méchants sont méchants parce qu'ils aiment l'argent? Non, mais il y a tout dans la merde, dans ses montées, dans les trucs comme ça, il y a tout un enchaînement de scènes qui fait que bon, tu peux te dire, oh tiens, il a tenté de dire un petit peu de les clasher comme ça, à l'air de rien, d'essayer d'infuser les petits trucs. Mmh. Ouais, le premier était toujours en mode regardez, ils ont sponsorisé. Bon, le problème c'est que le film faisait exactement ce qu'il dénonçait, mais t'avais ouais, déjà ça. Oui, il y avait ça. Ouais, et pour le coup, c'était, parce que, en fait, c'était pas très finaux pour le coup. Hein, c'était base, l'autre qui avait un t-shirt avec écrit Jurassic Park en gros, et puis qui balançait trois vannes dessus, quoi. Ouais, mais tu sais, t'avais le côté, ouais, regardez, c'est un dinosaure sponsorisé par Verizon, puis en fait, il te montrait un logo Samsung derrière. Le film était tout simplement débile. Ouais, mais de toute façon, c'est que ce qui est terrible aussi avec cette franchise-là, c'est que moi, je voyais des gens dire « Ouais, vous voyez, c'est un film qui met sur Jurassic World 2, qui met en exergue un peu la culpabilité des humains et face à leur responsabilité, etc. » Moi, j'aime bien cette idée tout bêtement, ce truc qui fait où, au final, pendant le film, t'as une espèce de bascule qui se fait, qui fait que les méchants deviennent les humains et les gentils deviennent les dinosaures. Ouais, mais les méchants, quand tu réfléchis 3 secondes, c'était déjà les humains dans le premier. Ouais, c'est déjà un humain qui foutait le bordel dans le premier, tu vois. Dans le premier, tu parles de Jurassic Park, pas de Jurassic World. Oui, de Jurassic Park. Oui, voilà, oui. Je préfère qu'ils reviennent à Jurassic Park plutôt qu'à Jurassic World. Ah, bien sûr, c'est des films qui n'inventent rien, en fait, depuis 1993. Ah, oui, voilà, après, ça, et encore, moi, je trouvais ça. Tu vois, là où je trouve ça rageant, c'est aussi que. Il y avait un truc qui allait bien sur la fin du film, je m'en fous, je spoil sur la fin du film. Là, c'est avec cette histoire de retcon, là, de bouton, où on te dit, genre, allez, on tue la franchise. Allez, non. Et t'es genre, et voilà, fin. Tu vois, et tu te dis, ouais. Et en fait, tu sais pas où est le cynisme, où est l'œil du réalisateur là-dedans, où est l'œil de la promo là-dedans, tu vois, petit détail qui a son importance. Donc où tu parles du moment où la petite fille ouvre le garage, oui, quand les dinosaures sont en train de mourir, ce plot twist de la chier. En fait, c'est sauf assez que couillu, et en fait non. Non mais sauf que ce que le film n'explique pas, c'est que juste 2 secondes avant ils sont en cage et ils ouvrent les cages, mais en fait il y a encore le gaz dans le garage. Ouais. Alors que s'ils ouvraient juste la porte du garage avec les dinosaures dans les cages, il y a pas de problème. Ouais. Oui, non, mais la scène n'a aucun sens en fait. Oui, tout le film est con de toute façon. Bon, tout le film est très con. Hein, ensuite, on a eu Ocean's 8, un petit remake des Fafa. On en parlera parce que c'est pas très intéressant. On a toujours d'ailleurs, parce qu'il y a encore au cinéma Sans un bruit, The Quiet Place. Qui pour le coup est le succès surprise un peu de l'été. Ouais. Ouais. Parce que petit budget, hein, tout petit budget. Tout petit, ouais. Ouais, et qui 17 millions, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Bah, vu les effets spéciaux et tout, je crois que c'est 17 millions. 17 millions pour autant. Et qu'on a déjà rapporté plus de 300 dans le monde. Ça, c'est fou. Ah ouais, quand même. Ouais, non, je pensais pas que c'en succès. Enfin, aux États-Unis, très belle OP de John Krasinski. Très belle OP, très belle OP. Ouais. Et pour le coup, c'est on en parlait tout à l'heure, et c'est un des derniers descendants de cette mode-là. C'est un film concept. C'est un film que tu peux pitcher en une phrase, quoi. C'est un film high concept, comme Speed, tu vois. C'est genre, en gros, il faut pas faire de bruit. Tout le monde l'a vu, le film Non, moi, je l'ai pas vu encore. Non. T'as aimé, toi, Jean-Victor? Moi, j'adore. Je suis vraiment grave déçu, quand même, du film. Ah, mais toi, en ce moment, tu t'aimes Budapest, arrête de te dire. Je me dis ça. On se ressaisit, putain, Bastien, merde. Non, je trouve que c'est une vraie expérience de cinéma, en fait. Moi, je trouve justement qu'il utilise son concept à genre 10%, en fait. Qu'il aurait pu pousser les potards, mais 1000 fois plus. Bah, oui, non, parce que. De ça. Après, je pense que j'ai été voir après la hype de tout le truc. Parce que c'est un film qui repose déjà que sur l'image. Tu vois, c'est quand même un film durant 20 minutes qui t'expose son univers, son concept, ses personnages, leur psychologie, les enjeux, juste par du découpage. Il n'y a pas un seul son. Enfin, il n'y a pas de parole. Et qu'il y a plein de petits trucs, genre notamment, ce que j'aime bien, c'est que c'est un film qui prend le revers de l'utilisation de la musique dans les films d'horreur. C'est-à-dire que généralement, dans un film d'horreur, on utilise la musique pour te faire flipper. Ouais, mais là, pareil, t'as des jumpscares à plein de moments, ou t'as des tris. Oui, mais généralement, ça repose sur le silence. C'est-à-dire que là, la musique est utilisée pour te dire, tu peux respirer, là, il va rien se passer. Il y a plein de petits trucs comme ça, en fait. Je trouvais au contraire, justement, la musique était trop présente, justement. Il y a plein de moments où j'étais là, mais là, mettez rien. Je veux vivre ce truc de il n'y a pas de son et être avec eux. Ouais, mais c'est Belle Trami qui est quand même pas le pire des compositeurs. Ah, la BO est super, mais j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de. Qui est assez succinct, en fait, tu vois, dans son utilisation. Quand même, je trouve qu'il y a beaucoup trop de musique par rapport. Je trouve qu'il y a énormément de musique, en fait, dans le film. Ça m'a vachement dérangé. Ouais, il y en a beaucoup, mais je la trouve bien utilisée pour le coup. Enfin bon, bref, faites-vous votre. Ouais, bref, allez voir. Mais en vrai, ça reste vraiment un bon film. Et avec une belle idée plutôt bien utilisée. Pas assez, mais plutôt bien utilisée. Bon. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a eu On a, parce qu'il est sorti hier, alors on enregistre. Heure française, heure contrebande. Les Indestructibles 2. Les Indestructibles 2. On va essayer, de, parce qu'ensuite, après, on peut rogner sur Skyscraper et Ant-Man, vu qu'on en a parlé. Hein. On les a pas vus et on s'en fout. Et puis, non. Non, allez. Les Indestructibles 2, globalement. On est sur une note égale avec Budapest pour Bastien, c'est ça, c'est j'ai, ça. J'ai entendu dire. Et on est note cool sur Sens Critique, vous pouvez aller vérifier avant qu'il change. Et on je vais sur... changer, sachez-le. Vous l'aurez su ici au début. Ouais, enfin, c'est vrai, l'aurez entendu ici en premier. C'est vrai. Hein? Non, j'ai pas changé. Indestructible 2 et Budapest, on a la même note sur Sens Critique. Oui, il est choqué. Il perd du son là-dessus. Choqué, déçu. Tu relativises tous ces arguments, Valentin. Ouais. Je cherche le barème de notation. Alors que je l'ai vu deux fois dans Indestructible 2 pour être sûr, tu vois, de ma note en plus. Hein. Donc tu changeras pas la note. Je changerai pas. Parce que je l'ai mise après la deuxième vision. Ah non, attends la deuxième vision pour être sûr de ton ressenti. Et oui, j'étais sûr, du coup. On est sur du 7 sur 10. Un bon 7 sur 10. Et ça va, il y a pire hein, comme note. Hein, faites pas les. Oui, il y a pire, il y a 6. Il y a 6. Il y a 5. Que j'ai mis au poste. Il y a 6. Sinon messieurs, qu'est-ce qu'on en a pensé nous les gens qui aiment bien qui aiment le cinéma, ouais. À Lucas, lui qui aime l'animation, qu'est-ce qu'on en a pensé? Waouh. Voilà. Ouais, tu me prends dans un moment un peu. Ça vaut plus d'un 7 sur 10, ça non? Ouais, ça c'est ouais, je l'ai vu je vais retourner le voir déjà une deuxième fois, je l'ai vu ouais. La première fois au festival à Annecy en présence de Brad Bird. Dans la salle, qui nous a présenté le film. Ah, lui, il a vu Budapest en présence de Monsieur Poupe. Qu'est-ce que tu réponds à ça, mec? Ah, pas mal. Et pas vrai, non, et j'avoue, j'étais un peu craintif quand même. Que vous disiez combien de temps? 14 ans. 14 ans. Entre le premier et le second, j'attendais pas forcément de suite. Je me suis jamais dit en voyant le premier Indestructible, le nombre de fois où je l'ai vu, je me suis dit il faut absolument que je voie une suite. Il faut absolument que je voie une suite. Ah ouais. Et en parallèle de ça, je me suis toujours dit s'il y a une suite qui est proposée, oui, voilà. Je l'accepterai à bras ouverts. Avec gourmandise. Et j'aurais très envie, d'une façon très BD, très pulp, très consommation de cet univers-là, effectivement, qu'on me raconte la suite. Ouais, parce que je trouve que c'est un des Pixar qui se prête le plus à une suite. Oui. Ah oui, c'est sûr. C'est le Pixar qui se prêtait à une suite, qui a été du coup effectivement très intelligemment faite. Effectivement, la suite, Les Indestructibles 2, suit la famille Parr. Là, on l'avait quitté dans le premier, au moment où il se retrouve face à cet adversaire un peu bené de la taupe là, qui sort du sol pour... Le démolisseur, non. Le démolisseur, d'accord. Dans français, l'angle démolisseur. Voilà. J'étais assez juste sur la taupe. Dans la langue de Luan. Voilà. Qui veut mettre à mal la ville et qui se fait complètement défoncer la gueule par la famille. La famille Parr. Mais c'est pas trop grave parce qu'effectivement, c'est juste l'élément qui lie le premier film au second. Et le deuxième film va développer d'autres thèmes et va mettre au centre de son histoire, effectivement, Elastigirl, la femme de Monsieur Indestructible. Et le deuxième personnage qui est le plus mis en avant, c'est effectivement Jack-Jack, le petit... Oui, fabuleux. L'excellent personnage bébé de Chuck Jones. Le personnage cheaté, en fait, de l'univers des Indestructibles, qui a tous les pouvoirs, en fait, qu'il se repasse dans la scène d'intro du film comme une patate chaude. Tu le gardes. Il fait une sorte de passe à 10 avec le bébé. Et du coup, le film raconte très brièvement, même si je ne sais pas si ça vaut le coup de pitcher le film, il y a un homme, un mania très très riche qui décide de redonner sa chance aux super-héros qui ont été évincés du monde parce qu'ils sont super et qu'une loi a été écrite qui les condamne en fait. C'est ce qu'il y avait dans le premier, c'est ce qui donnait la situation du premier quoi. Exactement, qui était trop, des gens trop bien, trop super, et du coup qui devait être mis côté. Il y a un homme qui a décidé que cette époque-là était révolue et qui décide de mettre les super-héros, qui décide de remettre les super-héros au centre de l'univers. Et du coup, pour ça, il offre sa chance à Elastigirl d'être mis sur le devant et du coup obligeant Monsieur Indestructible à mettre son côté super de côté et de juste être un super papa et de masquer sa jalousie, son désir, et de faire en sorte de créer le climat parfait pour que sa femme s'épanouisse dans son milieu professionnel et son super milieu. Et ce qui est intéressant dans le film, je trouve, c'est que il y a tout un rapport justement à la femme, au, je sais pas si j'en fais des tonnes ou si j'exagère, mais à la femme et au corps de la femme, qui pour le coup de façon très surprenante, et j'avais très rarement vu ça très flexible. j'avais très rarement vu ça dans un film où dans l'action sur le terrain, la femme, grâce à son physique, a une supériorité sur celui de l'homme. Ouais. C'est-à-dire que Monsieur Indestructible est indestructible, il casse tout. Il va sur le terrain, c'est ce qu'il lui reproche, il détruit tout. En fait, il met à mal sa condition de super-héros et celui de ses collègues. Alors que c'est l'inverse de sa femme. Donc du coup, juste grâce au physique, en général, on dit « Ouais, la femme, elle est faible, la femme, elle est nain par rapport au corps de l'homme, etc. » Et là, c'est l'inverse. Le corps de Elastigirl est ultra adaptable, ultra subtil, ultra discret, ultra fin, et du coup, rendra service à la condition de super-héros. Et du coup, comme jamais, genre, j'ai vu le film, je me suis dit « Ah oui, c'est ça, les films de super-héros. » Ouais, mais c'est ça. C'est ça, l'inventivité. Parce que ça sortait des gros bullshit, les autres, toujours à dire à Brad Bird « Oui, mais toi, tu comprends, tu fais de l'animation, du coup, ton champ des possibles est encore plus évolué, etc. » Non, c'est juste que moi, j'ai de l'imagination, je bosse, charbonne. C'est de l'inventivité avant tout. Ouais, je bosse et charbonne. Surtout à l'heure où les films de super-héros sont presque autant des films d'animation que des films live. Oui, parce que si vous avez aimé le premier film... Dans Avengers, c'est de l'animation. Il n'y a plus l'excuse des effets spéciaux maintenant. Enfin, non, c'était Galas. Si vous avez aimé le premier film... C'est Fantastique qui disait ça, c'est le réalisateur. Oui, mais Brad Bird, il fait de l'animation. C'est facile aussi, hein. Si vous avez aimé le premier film et que vous avez aimé la séquence où Elastigirl se battait sur plusieurs séquences, sur plusieurs décors différents dans le couloir, son pied se tapait dans une salle des machines, sa tête se tapait ailleurs, etc. Et ben là, le deuxième film, c'est ça. C'est-à-dire que Elastigirl fait de la moto. Elastigirl fait de la moto. Elastiporn. Et du coup, mettons en scène une femme élastique qui peut se séparer et s'étendre et être ultra stretch. Et comment on va le mettre en scène? Ça donne lieu à des idées de mise en scène complètement dingues, ultra bien rythmées, ultra bien mises en scène de façon très très très inventive. Et c'est franchement, c'est assez à couper le souffle. Moi, le seul bémol qui est vraiment rikiki que j'aurais sur le film, c'est la situation, tous les sketchs sur l'homme au foyer, qui a déjà été vu pas mal de fois, et qui, dont certains font un peu réchauffer. Mais dans le réchauffé, t'as quand même des scènes de tarés, où au final, ça reste ultra inventif, que ce soit l'hommage avec Jack, que ce soit l'hommage à Tex Avery, et du coup à Robert Zemeckis sur Who Framed Roger Rabbit, là, avec les cookies. Cette scène, tu vois, le mec qui monte au plafond, etc., avec les cookies, et la fight avec le raton laveur. Tout ça, c'est complètement dingue. Et puis après, techniquement, j'en parle même pas. Enfin, d'un point de vue animation, ils ont cherché à avoir le même rendu que sur le premier, mais quand tu regardes vraiment dans les détails, toute la animation, les expressions, tout ce qui est Frozone, toute la glace, Frozone, les scènes de nuit et tout, toute la gestion des ombres, c'est de la lumière dans le 2, mais même sans ça, avec la moitié épileptique là, sur toute la... Moi, les scènes, il y a des scènes, j'ai eu des bugs de... Ah ouais, en fait, c'est pas un film, c'est genre de... Il y a une scène à un moment, un plan tout con... Non, mais il y a un plan tout con où c'est une vue du lycée, et je me dis, ah ouais, mais en fait, c'est pas filmé, c'est de l'animation. Et genre un autre plan aussi où c'est une scène où à un moment Elastigirl se réveille, elle est dans une chambre froide. Enfin, je vous peux pas spoiler trop, mais et où le plan est sur sa tête. C'est genre ça, c'est fini. La scène c'est fini sur un fondu au noir et ça se réveille sur elle qui se réveille du coup. Et le plan, je me dis putain. Sur, après, ça, c'est la faculté de la faculté de Brad Bird. C'est souvent qu'il filme ses films live comme des films d'animation. Et oui, bien sûr, un mélange vraiment des progrès techniques et de. Déjà sur Coco, moi ça m'avait bluffé les rendus de plein de choses, des cheveux, de la lumière, de tout ça. Et là, ce côté. Poils de l'âne dans Shrek 2, c'est dingue. Allez, dans Monster et Compagnie, c'est... Du coup, tu m'as coupé. Je voulais dire ce que je voulais dire. Mais bref, tout ça pour dire que cette technique, le fait qu'on ait rendu ce look un peu cartoon, un peu années 50 sur plein de choses, mais en même temps hyper photoréaliste. Ça fait que de base, t'es bluffé. Et puis même, derrière tout ça, derrière cette technique un peu assourdissante et assez dingue, t'as quand même un film qui rave. Et oui, jouissif. En termes de mise en scène. Ça dure 1h45 et puis à la fin, le générique. tout est assez génial et il y a quand même des discours derrière. Ça parle quand même ça parle quand même des différences. Bah si, ça parle quand même. Ça parle quand même des différences de perception entre les hommes et les femmes. La différence de perception entre les hommes et les femmes dans un monde qui nous est similaire. Comment les gens abordent différemment les choses, le rapport aux fratries. Et puis quand même le méchant qui s'appelle comment, l'hypnotiseur en français, Screenslaver en anglais, qui a été traduit par effectivement l'hypnotiseur en français. C'est quand même un mec qui te parle de l'hégémonie des écrans. Ah ouais, genre le fait qu'on soit avec Bastien, le discours, j'ai un discours, j'étais en mode attends mais genre à 6 ans, je peux pas voir ça. Quand il explique aux gens que en gros les gens sont esclaves de leurs écrans, sur les pendant qu'en même temps ils sont pour aller le chercher et t'as le discours du mec derrière. Déjà cette scène elle est extraordinaire, mais aussi dans le discours c'est assez c'est ce genre de truc où tu prends parti pour le méchant jusqu'au moment où déjà où au final tu dis ouais. Et c'est peut-être moi le point noir que j'aurais, c'est le méchant est bizarrement géré en fait. C'est pas qu'il est bizarrement géré, c'est qu'il est vraiment secondaire en fait. Ouais. Il n'est que faire valoir de toute l'histoire qu'il y a derrière, du rapport du mari et de la femme et de la famille, de la construction. Quand je vois le film, je vois clairement. Effectivement, je me désintéresse pas du méchant, mais c'est clairement pas le personnage qui m'intéresse le plus en fait. Il raconte un discours, il est derrière. Il avait un vrai potentiel dans ce qui. Ouais, mais là-dessus, t'es frustré. Mais pour le coup, dans la construction globale du film, ça gêne pas forcément tant que ça. Oui, le film fait pas ce qu'il a à dire, quoi. Mais sur attends, ça m'a un peu gêné, Tu te dis pas, il a plus de choses à dire que ça. T'aimerais peut-être qu'il prenne une place plus importante ou qu'on le voit plus tôt dans le film. Déjà, il arrive assez tard. Il arrive très tard dans le film. Mine de rien, c'est pas vraiment un film pour les enfants. Hein. Enfin, pas du tout. J'ai été le revoir hier dans une salle pleine à craquer. Il y avait que des gosses dans la salle. Au bout de 20 minutes, ça commençait à parler. Les gosses se levaient dans tous les sens. Il n'y en a plus un qui suivait le film, quoi. Ouais, parce que ça discute beaucoup dans le film. C'était pour les gosses, c'était vraiment pas évident. Ils avaient vraiment du mal à suivre. C'est un film PG aux États-Unis. Ouais. Mais PG quoi, Seven? PG quoi? C'est juste PG. PG. Ah, du coup, ça doit être PG 8. Ouais, c'est ça. Il y avait des gosses très jeunes. Après, les parents sont très renseignés plus que ça. Il y avait vraiment des gosses très jeunes dans la salle et 20 minutes, ils en avaient marre, quoi. Ils se levaient, ils bougeaient dans tous les sens. Tu parles de toi? Je gigotais, je caressais les gens à côté, c'est n'importe quoi. Caresser les enfants à côté, c'était un peu. C'est vraiment pas. Pour le coup, les enfants avaient vraiment du mal, quoi. Et ça reste un film de Brad Bird dans les sujets que ça aborde. C'est la continuité logique de Tomorrowland. Hein. Ouais, ce que j'allais dire, il y a un truc qui rejoint vraiment Tomorrowland sur l'exigence en fait qu'il demande aux gens vis-à-vis de ce qu'ils regardent en fait. Oui, et puis même dans le discours. Dans le discours, on a arrêté d'être médiocre, scénario, essayer d'être un peu exigeant, quoi. Dans le discours de la marginalisation des gens autres, des gens supérieurs qui sont censés tendre vers le haut nos sociétés, qui sont pourtant se briment juste pour nous, qui ne sommes pas assez suffisamment bien pour eux. Enfin, au-delà de tout ce qui est objectivisme, etc., il y a quand même le côté. Il est moins cruel qu'elle. Oui. Et il y a vraiment le côté les gens préfèrent la facilité à la qualité, quoi. C'est ça, tu vois, c'est vraiment le discours qu'elles ont à un moment, elles toutes les deux, qui est assez dingue de se dire les gens préfèrent ça, consommer quelque chose de facile à quelque chose qui serait bien, en fait. Mais d'ailleurs, c'est marrant, c'est plus simple dans un Disney, quoi. Il faut quand même le préciser, son film précédent est un four. Genre il le fait avec Disney, c'est un four total, alors que c'est un des meilleurs films de l'année, Tomorrowland. Et là il va peut-être faire le film qui va faire un des plus grands scores de l'année, qui lui assure probablement de faire un prochain film très facilement, même si son prochain film sera peut-être. C'est lui qui adapte 1910 1906, c'est l'adaptation du bouquin 1906 qu'il rêve de faire depuis des années sur les moissons rouges, le tremblement de terre de San Francisco. Red Harvest, là. Comment? Oui, c'est ça, sur le tremblement de terre de San Francisco. C'est Red Harvest, un truc comme ça en anglais. Je sais plus d'où. On parle du même film qui est en projet depuis genre 20 ans à Hollywood. Ouais, à peu près, ouais. Il veut le faire, mais il a un autre truc entre temps, un projet qui mêlera justement live et animation. On sait pas ce que c'est, mais on sait que ça fonctionnerait comme ça. D'accord. Donc allez voir dans les trucs. Quelqu'un d'un peu à part, hein, quand même, Brad Bernard, dans le système hollywoodien. Quelqu'un qui a pas peur de dire ce qu'il pense très facilement. Un mec qui a un ego qui a toujours voulu privilégier le contrôle total à ses films à faire de la merde, quoi. Ouais, c'est ça. Et qui arrive quand même à sortir des bons films. Ça, c'est assez fort. Ça, c'est fort. Ouais, c'est. Encore ces histoires d'auteurs qui arrivent à s'insinuer dans le système des blockbusters. Parce que pour reparler de Tomorrowland, ça fait partie des films exigeants qui sont sortis avec beaucoup d'argent, qui avaient énormément d'ambition, qui étaient des suites de rien du tout, qui étaient des idées originales et qui ont je dirais pas la phrase toute faite de pas rencontrer leur public, mais les gens sont pas allés voir le film parce que aussi ils ont été abandonnés par leur distributeur. C'est ce que j'allais dire. Ah oui, c'est complètement abandonné. De façon assez tragique, comme un peu Jupiter Ascending. Et il y avait deux films qui sont des adaptations. Il y a d'autres films qui sont des adaptations, qui sont des adaptations, qui sont des films de plutôt bonne qualité et qui pourtant n'ont pas vu de notre en salle, genre Lone Ranger ou. John Carter. Ouais. Voilà. Surtout John Carter. Il y a plus de similitudes avec John Carter, je pense, qu'avec Lone Ranger, quand même. Mais bon, voilà, juste comme ça. Voilà, c'était la vie. C'était tout ce que j'avais à dire. C'est au passé. Ouais, bah tu. Non, mais très bon film, Tomorrowland, ouais. Pour le coup, on en parlait tout à l'heure, mais risque d'être un des films qui sera fortement réévalué dans les années. Ah oui, bien sûr. On le souhaite grandement. Et on va essayer de s'engager à en parler à chaque fois dans les contrebandes. Voilà, parce que c'est important. C'est important. Non, mais on s'y engage aujourd'hui. Chaque contrebande, on abordera Tomorrowland. Je pense qu'on l'a fait à chaque contrebande. On a parlé de Tomorrowland. Mais c'est pas assez. On fera un commentaire audio de contrebande. En attendant, essayez de choper celui sur Dangerous Man. S'il vous plaît. Avant qu'il soit striké. Et allez voir Les Indestructibles 2. Et allez voir Les Indestructibles 2, évidemment. On a encore des tonnes de films pour cette année. On va pas tous les citer. Mais on avait en revue peut-être les films à venir. Ou à l'essentiel. À ceux qui font vraiment envie. Écoute, je suis en train de regarder. Bon, Skyscraper Ant-Man, on en a parlé. On a Hôtel Transylvanie 3, qui est encore un bel exemple d'auteur qui. Moi, je pense qu'il faut aller le voir. Hein. Ouais, j'invite les gens à aller le voir. On en parlera peut-être une prochaine fois, ou peut-être jamais, ou peut-être que j'en parlerai vite fait du travail de Gheorghe Tartakovsky. Mais pour le coup, l'Hôtel Transylvanie 1 et 2, c'est des longs métrages qui ont été produits effectivement par Sony, qui ont été quand même des beaux succès en salle. Mais qui sont des films dans le processus de fabrication qui ont été complètement parasités par la présence d'Adam Sandler. Je cherchais le nom, en fait. Tonce gras. Non, mais je m'y attendais pas du tout. Tu t'attendais pas à ça, ouais. Si, la présence vampirisante. La présence vampirisante, sans mauvais jeu de mots, d'Adam Sandler sur les deux premiers films ont été assez compliqués pour la production du film. Et Tartakovsky a accepté de faire le troisième film seulement si effectivement il écrivait, en fait il était au scénario du troisième film, donc scénario qu'il a écrit sur une base de pouvoir derrière réaliser tout ce qu'il avait envie de réaliser de la façon dont il avait envie de le faire. Donc l'histoire est là et l'histoire est présente parce que ça parle quand même de comment reconstruire une famille et aimer alors qu'on a déjà eu un premier amour, comment rencontrer une nouvelle personne avec qui vivre sa vie. Et le film, c'est une démonstration d'animation cartoon de malade mental sur 1h40. Le film, il donnera soit l'impression aux gens de durer 4 heures, soit de durer 20 minutes. Oui. Moi, j'ai vraiment l'impression que le film durait 20 minutes avec un générique de fou qui rendait hommage à Anna Barbera. Mais d'un point de vue animation, c'est dingue. Il y a, dans certaines séquences, énormément d'animation. C'est extrêmement pointu dans l'animation, et parfois il y a très peu d'animation, c'est-à-dire que c'est du pose-to-pose, tu vois, un peu en animation, c'est-à-dire les poses de personnages, tu passes d'une pose A à une pose B à une pose C, c'est-à-dire que c'est du pose-to-pose, quoi. Il y a très peu d'animation, et c'est vraiment des poses iconiques de personnages, et c'est quasiment que ça, et du coup c'est très très très très très très drôle, et c'est très dans le visuel, quoi. C'est vraiment de l'animation pure, avec plein d'idées de tarés sur le triangle des Bermudes, c'est du grand n'importe quoi, c'est du rire, c'est du gag, c'est un épisode de Bibi le Coyote qui dure genre 1h40 mélangé à Popeye, enfin c'est à toutes ses influences, limite tout ce qu'il a pas pu faire sur Popeye, ouais. Justement le long métrage, parce que ça passe sur une croisière en fait, sur un bateau, il l'a mis dans le film, quoi. Voilà. Je pense que les gens vont se marrer bien plus qu'ils se marraient sur les deux premiers. Enfin, c'est mon avis, ça n'a pas l'air d'être l'avis de tout le monde. Moi non plus, je t'attends pas à une histoire de dingue, etc. Mais dans l'anime et dans les gags, je trouve ça. Tu le prends comme ça. Bon, après, moi, je l'ai vu à Annecy dans une salle de gens complètement, probablement déjà hystérique. Un peu conquis. Non, pas hystérique, mais les gens étaient pliés. C'était dingue. Les gens étaient vraiment. Comme pour Taxi 5. Tu verras les gags, c'est n'importe quoi. Ça avait une vitesse. Et la rapidité d'exécution des gags, l'enchaînement, c'est n'importe quoi. Par rapport à la scène de Jack avec le raton laveur, on est sur un truc un peu. C'est différent, c'est pas du tout la même construction comique. Vraiment, Jack, c'est vraiment crescendo dans le jusqu'où on va aller. Hôtel Transylvanie 3, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment du gag, du slap. C'est le même type de gag, c'est du Chuck Jones, c'est du gag. Ouais. Plus le personnage en prend plein la gueule, plus c'est agréable pour le spectateur. Ouais, mais dans Jack, il y a un côté Tom et Jerry, et là, c'est plus Bibi Blue Coyote, quoi. Oui, tu vois, c'est plus du slapstick, c'est plus du je me fais écraser, je me prends une baffe, je change de forme physique, je passe de l'état solide à l'état liquide, je me fais écraser, je me redresse. Il fait très chaud. Tu vois. J'aurais trop. C'est du grand n'importe quoi. C'était vraiment un scénario prétexte à du gag, à de la folie, quoi. La folie, le méchant, c'est un truc. C'est n'importe quoi. Est-ce que tu dirais que that's crazy shit, motherfucker. That's crazy shit, motherfucker. Il l'a dit. Ah ouais, c'est dingue. Et puis, je suis content parce que j'ai deux sources sûres, c'est un peu relancé aussi. Enfin, d'ailleurs, Tartakovsky il va faire popper. D'autres projets de séries et de... Non. De séries et de longs-métrages. Donc, ça, c'est cool. Ouais, voilà. Ouais. Grand monsieur. Grand monsieur. Tout ça pour dire qu'à chaque fois qu'il y a un Hôtel Transylvanie qui sort, je me rappelle, ah oui, mais c'est vrai qu'il y a ça. Chaque fois, je suis c'est fou, c'est du fait qu'on cette franchise dure. Cette franchise, ouais, en fait. Le premier, et je suis très curieux de voir les résultats box-office. Ouais, de voir si les gens iront le voir ou si les gens n'iront pas le voir. Début août. Ouais, début août. Ça a cartonné, il n'y a pas de soucis avec ça. Ça a cartonné. Bah, Adam Sandler, quoi. Eux, ils ont une force de frappe au niveau de la promo. En France, moi. C'est Kevin Smith, Adam Sandler, c'est tous les vieux comiques de 45, 50 ans. Ah, mais c'est pas que ça, parce qu'en France, ça cartonne aussi. En France, Adam Sandler, on s'en fout. Oui, Adam Sandler. Ça marche aussi en France. Le casting vocal américain, il est taré. Pour gamins aussi. Ouais, mais il y a quelque chose qui marche là-dedans, quand même, en termes de comique. Mais du coup, là, les enfants, j'ai peur que... Tu vois, c'est un peu moins niais, un peu moins con que les premiers. Les premiers sont quand même très bien. Ouais, mais Bibi et Coyote, ça fait marrer les gosses, donc il n'y a pas de raison que... Ouais. Et puis là, les personnages, c'est de la pâte à modeler, c'est du chewing-gum, quoi. C'est animé. C'était ce qui marchait bien, d'ailleurs. C'était les seules choses bien de Hôtel Transylvanie, d'ailleurs. C'était le travail de Tartakovsky, quoi. Ouais, c'était le travail de Tartakovsky, quoi. Qui arrivait deux mois avant la sortie du film, en fait. Ouais. On rappelle vite fait, Tartakovsky, c'est les super nanas, c'est... Clone Wars, la série animée. Dexter et Samurai Jack. Et Samurai Jack et Clone Wars. C'est pas lui Super Nana, mais c'est Craig McCracken. Et lui, il travaille dessus, mais concrètement, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est plus Dexter. Dexter et le jeune garçon le plus doué, mais avec Didi, ses expériences partent en fumée. Voilà, donc comme vous vous rendez compte, on part en tout éclate, tout gratte. Big Mac. Pardon, on va couper. J'ai un Roland. Hôtel Artemis, on s'en fout. Hôtel quoi? Artemis. Hôtel Artemis. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un autre hôtel après Hôtel Transylvanie, c'est un autre hôtel. C'est le film de Drew Pearce. Voilà. Il va nous faire chier encore, Foster, avec un film. C'est le concept de John Wick, c'est l'hôtel pour tueurs. Oui, c'est ça. C'est l'hôtel. On a le droit. Il a le droit de rien se passer, mais il se passe tout. C'est la cabane dans les bois. Mission Impossible. En août. Mission Impossible Fallout. Là, on parle. Now we're talking. Ouais, now we're talking. On va tous voir Tom Cruise se péter le pied sur un mur. Il va tellement mourir sur un tournage, cet homme-là. C'est tellement évident. Et quelle belle mort. Quelle belle mort. Et quelle belle mort. Moi, je veux mourir sur scène. Non, mais ouais, Mission Impossible, je pense que c'est le gros truc. Ouais, on en avait un peu parlé déjà dans un coup nul aux œufs, je crois. Mais il sera un peu tout seul, quoi. Il n'aura pas de concurrence. Non. Ouais, ça, genre, ça va cartonner. Ouais. Ce sera pas comme les précédents où il avait un James Bond à côté, hein. Ce sera vraiment. Non. Puis pour le coup, en France, il va bien cartonner, à mon avis, sachant que la plus grosse scène d'action du film se passe en France. Je dirais 6 millions d'entrées. Assuré. Minimum. Il y a moyen. Minimum. C'est énorme, ok, 6 millions, mais je pense que ça va faire. Ouais, mais je pense qu'il peut le faire tranquillement. Il n'y a rien qui gêne. Hein. J'ai ri en voyant le film d'après qu'on a noté. Jean-Christophe et Winnie. Christopher Robin en VO. Ouais. Mais qui a très mignon. Qui est la bande-annonce, c'est très sympa. Sur le créateur de Winnie l'ourson, qui a en fait vieilli, oublie Winnie l'ourson, et un jour Winnie l'ourson vient le chercher. En disant, tu m'as un peu oublié. Un film sur la fin de vie, donc. Il a 40 ans dans le film. Il est joué par Ewan McGregor, d'ailleurs. Ah. Et donc, c'est Winnie l'ourson, en vrai, hein, donc, qui est modélisé. En vrai. Qui vient le chercher avec un rendu en 3D, en CG. On l'a sorti. Ça reste la peluche. Mais ça fait un côté un peu. Un peu de détox. Il était camé, dans une seule histoire. Ouais, c'est ça. Et le film a l'air plutôt mignon. Est-ce qu'on peut vraiment parler de blockbuster pour ce film-là? Si, ouais, c'est Disney. Ah, ça, du coup, t'es des flouzes un peu. Les effets spéciaux, oui, ça coûte. Ouais. Je pense que le film est cher, quand même. Ouais. Mais est-ce que c'est pas comme ces films Enfin, je sais pas, on avait parlé avant l'enregistrement de Mary Poppins 2 et tout. Ah, ça c'est pour Lucas, que, ça. Ça c'est cher aussi. C'est non, pour toi, mon Lucas, feu. Je sais pas, ça me fait penser à ces films genre. Comment il s'appelle le film? Non, mais le film avec Johnny Depp là sur Neverland sur le. Ah, ça c'est pas bien budget. Ça. Ouais. Non, c'est pas les mêmes budgets, mais je sais pas, ou aussi le truc avec Tom Hanks sur Disney, enfin tu vois, genre. Marry and Me, tu sais, genre les. Ça aussi, c'était pas top, ça. Je sais pas, ça me fait penser à ces films-là. Genre, est-ce que c'est des films qui vont vraiment marcher, ces films-là? Bah, là, t'as vraiment la. Oui, il y a Winnie l'ourson. T'as Winnie l'ourson et t'as l'orientation gamin. Enfin, les persos sont là, quoi. Vrai, tigrois, c'est pas, on en parle vaguement de loin. Oui, on est sur du Paddington. Oh my god! Ouais, c'est un peu. Ça sort là-dessus, ouais. Ah, aussi, deuxième film dont on doit parler à chaque émission, Paddington 2. Paddington 1 et 2, dont on doit parler à chaque émission. Non, ceci, oui, pour le coup, Winnie, elle a l'air moins mignon que Paddington. Et on ira pas qui filme, coup, qui, alors, qui filme un blockbuster au réel, le Paddington 2. Moi, j'ai le voir direct. Ouais. Un film d'action, un film d'espionnage. Non, Star Wars, ou un James Bond. Ouais, oui, un James Bond. Je suis sérieux. On en avait parlé. Filer le prochain James Bond à ce réalisateur-là, j'ai le voir direct. Pour l'instant, c'est Danny Boyle qui a les commandes. Ouais. Ben, tant que c'est pas Danny Boone. Under the Silver Lake, le prochain. De la liste. C'est pas vraiment un blockbuster. Quel film? Under the Silver Lake. Non, c'est pas du tout un blockbuster. Non, c'est pas du tout un blockbuster. J'ai envie que tu l'aies vu, ouais. Non, je vais le voir hier, je suis pas allé. Il y a des avant-premières de tous les côtés, personne l'a vu. Non, de ma gueule. Pas tu l'as vu, toi? Bah, t'es teux. Bah, non. Il y avait les réals aussi qui étaient là hier, je suis pas allé. David Robert Mitchell. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, réalisateur film de mec qui a fait It Follows. It Follows. Pour ceux qui savent pas ce que c'est It Follows, allez le voir. Vous avez aimé It Follows? Regarde. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé. Moi non plus, ça m'a pas saoulé. C'est vrai, vous avez pas aimé? C'est pour ça que je suis pas aimé, mais c'était pas. T'as bien aimé, toi? Beaucoup. Ouais, moi aussi. Ah, vous aimez bien les poseurs un peu bobos comme ça là. C'est ouais. You know me, bro. C'est vrai que Budapest, c'est moins poseur. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux qu'on se tape? Bon, Détective D3. Ah. Bah, on en parlait sans ça rapidement de l'essor de la Chine et du fait que le marché chinois est devenu un des plus gros marchés au monde. Et si vous connaissez pas du tout les réalisateurs hongkongais et chinois, il y en a un qui est très connu là-bas qui s'appelle Choi Hark. Il est hongkongais, il est pas chinois. Qui est hongkongais, mais j'ai dit hongkongais et chinois. Hein, écoute ce que je dis un petit peu. T'avais dit ça en mode j'hésite entre les deux, je sais plus trop. Je sais qu'il est hongkongais. Parce qu'il met un réalisateur asiatique à Hong Kong. Mais il est considéré, on l'appelle entre guillemets le Spielberg chinois, même s'il vient de Hong Kong, c'est pour ça. Donc il y a un mec qui a une carrière monstrueuse. Attends, les Chinois sont racistes? Oui, ils sont très racistes, les Chinois. Enfin, regarde Wolf Warrior 2, tu vas vite comprendre qu'ils sont très racistes. Et bref, en fait, c'est la grosse franchise qui fait en ce moment, donc Détective D, qui est en fait l'adaptation d'une série de romans qui sont un peu l'équivalent du Sherlock Holmes chinois. Ouais. Donc ça se passe. Chinois donc, hein. Ça se passe à l'ère féodale où ils ont encore des sabres et tout ça. Sherlock Holmes chinois par le Spielberg chinois. Exactement. T'as pas le droit de rigoler. Écoute, William. Ça le fait marrer. On est chinois ici, hein. Vas-y. Voilà, termine d'ailleurs. J'ai bien aimé le 2. J'ai pas vu le 1. Ouais, le 2 super cool. En gros, c'est du gros spectacle. Non, mais ouais, ça les foire, hein. C'est très virevoltant parce que lui, avec la caméra, il fait des trucs pas possibles. Et en plus, c'est un des mecs qui gère le mieux le relief au monde. Et j'insiste là-dessus, Détective D2, moi je l'ai vu en 3D, je sais même pas comment ça pouvait rendre à plat. Entre temps, il avait fait un autre film qui s'appelait La bataille de la montagne du tigre. Oui. La bataille de la montagne du tigre, qui était un film de Tiger Mountain, Seconde Guerre mondiale, et qui pareil avait des plans 3D délirants. Mais c'est fini, oui. Laissez-le parler. Enfin, je vois que t'en as rien à foutre. Excuse-moi, Jean-Victor, vas-y. Et donc, bref, non, voilà. J'ai vu le premier, je savais même pas qu'il y avait eu des suites. Enfin, maintenant, si. Mais je veux dire. Ça va avoir une assez grosse sortie et c'est distribué par The Jokers qui fait l'effort. Gros passionné et qui explique bien qu'ils ont déjà vu le film et que c'est un truc de psychopathe parce que les trailers, on voit assez peu de choses finalement. Ouais. Et que ça va être du très très gros spectacle. Je m'étais fait du très gros spectacle. Qui sortira en 4DX en France. Qui sortira en 4DX 3D. Filmé en HFR. En HFR, c'est ça? Qui était filmé comme The Hobbit en HFR, malheureusement en France. C'est des 60 images par seconde, hein. C'est pas comme le Hobbit. Hein. C'est plus que le Hobbit, c'est 48 images par seconde. Mais 48 Ah ouais? Il me semblait que c'est 60. Je crois que c'est 48. C'est 48. De toute façon, on verra pas. On verra 25 images. Bah, tu pourras le voir sur ta télé si t'as la télé qu'il faut. Ouais. Donc je le verrai pas. Non, mais moi je suis allé chez un pote. C'est sûr qu'il n'y aura pas d'HFR en France. C'est confirmé. En fait, ils ont expliqué, les exploitants ne veulent pas. D'accord. Donc si on n'a pas 3 ou 4, ça sert à rien de produire une copie parce que c'est le pays du cinéma français vous remercie de son accueil. Il faut super. Faire un master en HFR en France avec les sous-titres machin, donc ça coûte cher et ils ont pas de quoi. D'un côté, Voilà. Après, tu vas troller sur la HFR. Ça reste un public de niche. Hein, donc c'est forcément, que ça se comprend d'un côté. Mais comme des le public de ZQT est un public de niche, de toute façon. Hein. Oui, non, c'est ce que je dis. Donc, de... Autant leur faire plaisir. C'est pas bête. En plus, je pense que les gens auraient aimé le voir en HFR. Parce que les gens qui vont voir Detective D, c'est des gens qui seraient intéressés par le voir en HFR. Non, mais je vais te dire que si tu vends bien Detective D, t'arrives à faire du million d'entrées facile en France. Du million d'entrées. Bien sûr. Si jamais, imagine, le film est bien distribué et bien marketé et bien vendu. Un film de dingue avec des effets spéciaux tarés, une intrigue policière haletante, etc. Non, Tigre et Dragon, ils l'avaient pas fait pareil. Tigre et Dragon, ils avaient essayé de surfer sur la poésie asiatique avec toute la fantaisie du wuxia pour les gens qui avaient jamais vu de wuxia pian, qui se dit ah oui, t'as des gens qui se battent accrochés à des câbles et qui marchent sur des bambous. Alors c'est parce que le seul exemple. Ça faisait 40 ans. Ça faisait 40 ans que ça existait. C'était le numéro 1 d'ailleurs. Ça faisait 40 ans que ça existait et ça devait être le. Est-ce qu'ils étaient 45e meilleur film du genre, tu vois, genre, alors que la plupart des gens qui ont vu ce film-là et qui l'ont adoré, c'était probablement le seul qu'ils avaient vu. Oui, mais je suis sûr que bien vendu, Détective D3 de Choyark pourrait marcher. Aussi bien que d'autres films d'action, voilà. Ah, si tu vends ça, il y a de la castagne, il y a de la fantaisie, il y a des dragons, il y a des esprits, il y a toute une mythologie derrière. Enfin, tu le vends bien, tu peux faire. Ça fait le mec qui retourne sa veste, mais ça pourrait faire 500 000 entrées. Bon, allez, 200. 200 000 entrées. C'est pour moi. Non, mais voilà, je sais qu'il y a un rapport avec l'Asie qui est parfois un peu frileux, étonnamment, alors qu'on n'en parlera malheureusement pas dans cette émission-là parce qu'on n'aura pas le temps. Mais parler juste, parce qu'on là, on donne des chiffres mondiaux et qu'on parle du monde, on parle des films américains dans le monde. Mais on ne parle pas de The Mermaid ou de Wolf Harrier 2. Mais qui genre, juste France, à l'échelle de la façon, Chine, fait plus d'entrées que tout le blockbuster, tout le blockbuster américain. Quoi. C'est un film à voir. Tu vois, tous ces films-là, on n'en parlera pas. Non. Tu vois, tous les films indiens, les blockbusters indiens. Oui, bien sûr. On ne parle pas de Baobali ou les films asiatiques qui cartonnent en Asie et qui ne sortent presque pas des frontières asiatiques. Culturellement, ce n'est pas évident à vendre. Ce n'est pas évident de choper des Français là-dessus, des Occidentaux de manière générale. Mais du coup, de deux choses l'une. J'ai pas commencé comme ça. Premièrement, ça montre aussi que c'est qu'une histoire de marketing aussi. Mmh. Ah oui. Et deuxièmement, on c'était plus par rapport à ce que tu disais sur le HFR et tout, c'est que si tu me dis qu'il sort en 4DX, ouais. Et s'il est assumé en 4DX, parce que personnellement, j'ai du mal à l'imaginer dans certains cinémas en 4DX, tu vois, Detective Visite 3. Comment ça? Bah parce que je me demande, genre comme ça, de nulle part, sortir Detective Visite 3 en 4DX. Ça, c'est pour exploiter une technologie toute pétée. Après la côté tant mieux, mais tout ça pour dire que du coup, je me dis que pour faire connaître ce film-là, pour faire connaître ce film-là, je pense que c'est peut-être mieux limite de le sortir en 4DX que de le sortir en HFR. Pour attirer le grand public, ouais, je pense que c'est mieux. Parce que le HFR, pour le coup, c'est plus un public d'initiés. Ça va rendre le truc encore plus de niche que s'il sortait en 4DX. Le réalisateur, il pense pas le 4DX, mais il pense le HFR. Mais non, mais. Bien sûr, mais le public. Il aura après, plus tendance à aller voir un film qu'il connaît pas, genre what, ok, sur le dit qu'il y a des sièges qui bougent, il y a du vent dans la avec gueule. Avec la 4DX. Après, si tu le vends en 3D en HFR sans préciser, les gens ils iront. Ouais, ils s'en rendent même pas compte. Non, ils iront pas, parce qu'ils connaissent pas. Ils s'en foutent, ouais. Alors que le 4DX peut être un argument pour les intervenir. Sur voir un film qu'ils connaissent pas. Tu vois, en 4DX, c'est le faire en HFR. C'est juste une question de projo. Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est quitte à choisir, puisque ces histoires de HFR font que tu peux pas sortir une copie HFR si personne n'en veut. Bah, je pense que pour faire découvrir ce film, c'est mieux de le sortir en 4DX. On parlait tout à l'heure des histoires de format, de machin. Les gens iront voir le film parce que c'est en 4DX, parce qu'ils veulent voir des films. Franchement, là-dessus. Ah bon, ils vont pas voir le dernier trailer? Quand je vois. Voilà, tu vois. Non, mais blague à part, c'est vrai. Le reste de Time and Tide. C'est vrai. Tu vois, genre. Non, mais c'est vrai. On parle du fait que les gens iront voir des films en 4DX parce qu'ils veulent voir un film en 4DX et que, bah, je sais pas, Mission Impossible, ils l'auront déjà vu. Jurassic World, ils l'auront déjà vu. Je rappelle que Sans un bruit, t'es en 4DX. Oui. Et que moi, à chaque fois que je suis rentré dans un 4DX, ça bougeait pas les fauteuils, tu vois. Et du coup, je pense que. Voilà, là c'est le format qui ramènera les gens. Ah, bien sûr. Plus que si tu le sors en full truc, parce que c'est. Clairement, il faut quand même rappeler. D'un point de vue purement marketeur, c'est une bonne idée de le sortir en 4DX. Quand tu dis que les gens veulent pas, bon, c'est un autre débat, mais le HFR, les gens ne savent pas ce que c'est en fait. Exactement. Ben, ça rejoint ce que tu disais. Ils savent juste que ça fait que le film il ressemble au Feu de l'amour. C'est tout ce qu'ils vont ressentir en regardant le Hobbit. Ouais, mais s'ils l'ont vu, ils l'ont pas vu. Oui. Bah parce qu'il a cet effet télénovela que t'as sur la fluidité de l'image et tout ça. Bah, c'est le retour principal qu'il y avait sur le film. Ça dépend des plans, en fait. Parce que j'ai vu à Billy Lynn chez un pote plein de scènes en HFR et c'est effectivement une toute autre façon de voir et de percevoir et d'approcher le film. En fait, c'est pas du tout pareil. Le film m'a mis le générique de début et j'ai fait ok. Ouais, j'ai un pote qui l'a maté sur une télé 4K. Donc l'image est comme ça. Voilà, je suis allé chez un pote Guillaume qui a montré la séquence C'est Cambi qu'on salue. Du Super Bowl. J'étais d'accord. Ouais. En fait, l'image elle lag plus du tout en fait pendant les panoramiques. Ça va mieux là. C'est plus net par d'un coup. C'est d'accord. Donc j'ai l'impression d'être. C'est une toute autre façon de réaliser, de raconter son histoire. Bien sûr. Et c'est complètement pertinent. C'est moins. À la fois, comme tu dis, le RAL va penser un film plus pour le HFR que pour une 4DX. Ah bah, on lit clairement. Mais pour le public, fait avec le chef op de Scorsese, c'est un truc encore à appréhender l'HFR, tu vois. Plus que la 4DX. Le 4DX, c'est plus facile d'expliquer à quelqu'un ce que c'est la 4DX. Chouillard. Si les gens ne connaissent pas, il faut se dire que Chouillard, c'est quand même le mec qui a influencé, je sais pas, la moitié ou les deux tiers des réalisateurs américains qui ont fait des films d'action derrière. Ouais, les Américains, t'en parles toujours. Les Américains, oh, ils ont fait ça complètement ouf et tout. Les Hongkongais, ça faisait déjà 15 ans avant qu'ils se jetaient à travers des fenêtres avec les caméras au bout de cordes en plastique juste pour aller leur fans. Des cordes en plastique, messieurs. Genre Time and Tide, quand tu regardes le making of du film ou les reportages, les mecs, ils sautaient des immeubles accrochés avec des câbles avec les caméras. Tu vois, des plans, les techniciens, ouf, des trucs, des mecs qui disaient, il me faut ce plan-là, comment on fait? On saute, ok, bon, okay, on le fait. C'est pas du tout la même économie, la même façon de faire un film, tu vois. Il y a pas d'intermittence en Chine. Ouais. Voilà. Et puis il y a pas de Chinois, donc il y a pas d'intermittence, c'est plein de Chinois. Ils sont payés à l'euro. Si on prend d'un point de vue législatif, c'est différent. Voilà. Bon, bref, il y avait Equalizer 2 et En eau trouble avec Jason Statham et son requin géant. Voilà. Ça, on a un peu à ce qu'un film de requin. Ouais, moi je suis chaud. Et on arrive à la fin de l'été. Le Jason Statham movie, je suis chaud. Comme la fin de cette émission, on a fait tout l'été en une émission. Elle aura duré 2 mois, cette émission. J'espère que vous en avez bien profité. Les journées, c'est courte. Et oui. Ceci conclut cette contrebande. Une conclusion sur le blockbuster. Bah vas-y, Bastien, t'avais l'air bien lancé. Ouais. Non, moi je voulais lancer les gens, c'est tout, il y a pas de. D'accord. Jean-Victor, une petite conclusion sur le blockbuster peut-être. Faut suivre les préceptes de Brad Bird et faut essayer de ne pas privilégier la qualité, enfin la quantité sur la qualité. Donc essayez d'aller voir des trucs qui changent un petit peu. Voilà, dites-vous que peut-être que Detective D3 vous proposera plus de choses qu'un Jurassic World 5. Il faut utiliser tout le bison. Voilà, exactement, il faut utiliser tout le bison. Donc renseignez-vous un peu, n'allez pas voir n'importe quoi. Et commencer par les Indestructibles 2, parce que c'est vachement bien. Effectivement. Et que ça ne fera que 3 mois et demi que le film sera sorti, quand on sortira notre épisode. Ah non. Voilà, bisous. Ah non. Ah non, c'est pas vrai. Ah non, Timon. Oh. Arrête. On fait en rond la conclusion, genre c'est à moi après. Ah bah c'est à toi. Non bah vas-y, Lucas, et après moi je finis. Ah bah c'est plus un rond du coup. Non, c'est plus un rond. Mais qu'est-ce que je dois dire sur la conclusion du blockbuster? Au revoir. Et tu te lèves. Plutôt pour ou contre les blockbusters? Sympa. Mais pouah, c'est nul. Je rigole, mais non. Mais ouais, ni pour ni contre, c'est du cinéma et c'est bien de donner beaucoup d'argent à des gens qui ont beaucoup d'idées pour en faire des bons films. C'est de moins en moins le cas et il faut aussi faire confiance à l'intelligence du spectateur et quand. Non, parce que oui, non, c'est beaucoup trop compliqué de conclure sur le blockbuster. Je veux dire que non, c'est au spectateur d'avoir l'intelligence de. C'était un peu une question trop là. Mais non, il a répondu sérieusement comme des cons. Qu'est-ce que. Bah, ça grise dans mon micro en fait. J'entends plus rien. Antoine qui est parti sur un casque, c'est ton casque. Il est parti prendre une douche. Il a acheté un touré là. Un touré là. Il a 10 mètres de câble dans le panier. Ah, mais ça marche aussi. Ah ouais, parce que moi j'entends plus du tout, hein. J'ai plus de retour casque et tout. C'est la sortie casque. C'est la sortie casque, ouais. Vas-y, parle, ça va. Ok, désolé. Non mais voilà. Ok. Continuons à voir des films. Des bons films, même l'été, avec beaucoup d'argent. Mais ceux bien faits, bien réalisés. Parfait. Écoute. Pas évident. Non, mais moi je suis d'accord avec ce que disait. Voilà. non, ce que disaient les gens. Non, pour en finir là-dessus, oui, est-ce que ça finira par se vérifier cette théorie de Spielberg et Lucas? Est-ce qu'on n'est pas même déjà dedans? Je suis assez d'accord avec ça, sur cette idée que. On t'as pris un photo de mon chat là spectacle, peut-être, hein. T'as pris un photo de mon chat? Ouais. on ira voir pour du grand spectacle et que le reste se consommera peut-être en VOD et tout ça avec est-ce que Netflix ne serait pas l'avenir hein. Est-ce que ce ne serait pas l'ouverture? Ça, on n'a pas parlé des blockbusters de Netflix. Hein. Ouais, non. Parce qu'il n'y en a pas des bons encore, mais... Des beaux étrons qui nous sortent, là. Moi, je pense qu'on pourra se permettre de faire un petit sujet sur les nouvelles plateformes de VOD, là. En tout cas, pas maintenant. Parce que là, ça fait très longtemps. Et on vous promet aujourd'hui, 5 juillet 2018, qu'on continuera notre... dossier sur le cinéma français, ah oui. Et sur le film d'action français, sur le cinéma horrifique français, et ou francophone. Bien sûr. Voilà, parce qu'on a très envie d'en parler, mais... Oui. Mais on est un peu le feignant. Sur ce, on vous souhaite éventuellement de bonnes vacances. Si vous êtes déjà en vacances, profitez du soleil, profitez d'aller voir des films, les mojitos, tout dans ça. Des salles climatisées, de récupérer, puisqu'il n'y a pas de Game of Thrones cette année, que c'est l'année prochaine, vous regardez toutes les séries qu'il y a à voir cette année. On attend vos retours. Faites plaisir. Partagez l'émission, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt. On essaye de ne pas attendre 3 mois avant très la bientôt, prochaine. On essaye, on promet. On le fera. Voilà. Au revoir à tous. C'était la contrebande, merci, au revoir. Viva le cinéma. Viva le cinéma. Antoine, il faut se réveiller. L'épisode est fini. Vous êtes tous les points en si les matériaux debout, toi, assieds-toi et regarde ton enfant, toi. Et puisqu'on parle de Blockbuster en 2018... Oui, pendant qu'on déballe ses cadeaux de Noël. Oh, des pitas, oh, c'est génial. Wow, du pain. Alors, avant de... Ouais, enfin si... J'ai vu Antoine qui est en train d'acheter du câble. J'ai investi le chinois en train de voir des putains de rouleaux de câble. On le dira jamais assez qu'Antoine a déroulé du câble pendant ses émissions. Ça sera coupé, mais je voulais le signer.